proposé au cinéma de Gardanne ce soir. Et je vois avec plaisir que vous êtes venus quand même assez nombreux. Donc, la médiathèque a eu l'idée de cette présentation du mouvement anarchiste suite à une intervention qui avait eu lieu en printemps dernier, je crois, ou même plus avant. En présentation du Métron des anarchistes, un dictionnaire biographique qui avait été fait en collaboration avec Promémo et le CIRAD. Et à la fin de cette présentation, un débat s'était installé qui nous a paru très intéressant, et c'est pour ça qu'on a voulu mettre un peu l'accent justement sur ce mouvement qui est très peu connu finalement, en tout cas connu avec beaucoup de préjugés. Et donc c'est pour ça qu'on accueille ce soir ces trois membres du CIRA, donc Thierry, Bernard et Philippe. Pour information, le 29 mars, à la même heure, donc c'est un mardi aussi, on aura également une conférence sur l'Espagne 36. Alors dans ce coup-ci, ça sera par l'association Promémo. Et le 19 avril, nous recevrons, toujours à la même heure, des personnes de Frali, de l'ancien Frali, Skopti maintenant, qui viendront présenter la lutte qui a eu lieu dans cette usine pendant 4 ans. Voilà, je laisse donc la parole à nos amis du CIRA. Donc, Bonne soirée. Merci. Donc, merci à la médiathèque, merci à vous d'être déjà de vous être déplacés pour venir nous écouter. Et merci à la médiathèque et particulièrement à Nadine qui a organisé cette soirée, parce que c'est très rare qu'on nous demande d'intervenir pour présenter l'anarchisme. Mais ça sera l'occasion peut-être d'effacer des idées reçues. Alors, le CIRA, qu'est-ce que c'est? Le CIRA, il a fêté l'année dernière ses 50 ans. Donc créé en 65 par un historien qui s'appelait, parce qu'il est décédé malheureusement, René Bianco, qui a fait une thèse magistrale sur la presse anarchiste, d'abord des travaux sur les anarchistes dans les Bouches-du-Rhône, puis sur toute la presse anarchiste. Et sa thèse recense des milliers de revues, parce que les anarchistes produisent énormément. Comme vous allez le voir dans notre exposé, il y a peut-être presque autant de tendances que d'anarchistes. Donc, un gros travail éditorial, beaucoup de livres, beaucoup de journaux. Et le rôle du CIRA, donc Centre international de recherche anarchiste, c'est de collecter tout ça, enfin, une partie de tout ça, parce que la place nous manque déjà cruellement. Et à l'origine, le CIRA a été créé en Suisse, en 1957, à Lausanne, puis Genève, puis Lausanne. Et c'est en 65 que René Bianco, qui était en contact avec les amis suisses, a créé une annexe au début à Marseille, qui est devenue après autonome. Et depuis 2012, on a la chance d'avoir notre propre local. Donc après, l'histoire, on va pas vous faire l'histoire du CIRA, c'est juste pour dire qui on est. On a notre propre local qui se trouve rue Consola, donc c'est en plein centre de Marseille, à deux pas des réformés. Et donc depuis 2012, il y a des soucis, c'est un local un peu humide, il va falloir qu'on résolve ça. Mais on a la chance d'avoir notre local à nous et on n'a plus une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes parce que tous les 10 ans on était expulsés, il fallait mettre toutes les archives à droite et à gauche et récupérer tout ça, donc c'était un peu difficile. Donc voilà ce que c'est que le CIRA. Après, ceux qui veulent en savoir plus, on a un petit dépliant qui explique ce que c'est que le CIRA. On pourra vous donner ça à la fin et en discuter ensemble. Si on a le temps, je pense qu'on en aura un peu. Donc l'idée, là, c'est de faire un tour du mouvement anarchiste hier et aujourd'hui, les idées et les pratiques. Donc ça va être en trois grandes parties. D'abord, définition et origine du mot de l'anarchisme, puis un tour d'horizon géographique et historique à travers le monde. Et enfin, les centres d'intérêt, les domaines d'investissement du mouvement anarchiste. Et après, une conclusion, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, on va donner la parole en premier. Ah oui, alors nous ne sommes pas des experts. Si vous nous posez, nous ne sommes pas des universitaires, nous sommes des militants. Donc, notre boulot, enfin, on a chacun des activités en dehors du CIRA, mais on est des militants du CIRA. Donc, notre plaisir, c'est d'archiver, de rassembler des documents, mais si vous nous posez une question sur à quel âge Ravachol a fait sa première dent, on aura peut-être du mal à répondre. On aura du mal. Voilà. Allez, avant de parler de Ravachol, je vais articuler mon propos en trois parties sur il faut savoir ce que veulent dire les mots, donc on va parler d'étymologie. Après, je vais m'intéresser aux origines, c'est-à-dire les penseurs, et puis tout ce qui a été avant l'apparition des mouvements anarchistes, du mouvement anarchiste organisé. Et enfin, la partie qui est la plus longue, qui concerne les tendances. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Philippe, il y a autant de tendances que d'anarchistes. C'est pas toujours simple, même si les mots, parfois, sont, au niveau sémantique, sont assez proches les uns les autres. Alors, en ce qui concerne l'étymologie, le terme anarchie, bon, ça, c'est, je pense que tout le monde le sait un petit peu, ça vient du grec, donc il se décompose en deux parties, un préfixe privatif an et puis archia qui veut dire principe, origine, commandement. Donc, ça veut dire l'étymologie, c'est d'une manière générale, c'est ce qui est, c'est ce qui, là où est absent le principe directeur et de commandement. Ça se traduit par une absence de principe, absence de règlement, absence de commandement. Donc on est dans le sens, on voit effectivement, et c'est un des premiers préjugés, même si on ouvre aujourd'hui les dictionnaires quels qu'ils soient et on tombe sur cette définition, on tombe dans le sens négatif de l'anarchie qui est effectivement le chaos, le désordre, l'anomie, tout ce que l'on peut mettre à partir du moment où effectivement on estime qu'il n'y a plus de gouvernement. Dans un sens positif, c'est celui qui nous intéresse, nous, en tant que militants, et donc qui est le sens profond de l'anarchisme. On fait appel à une philosophie, à un projet politique, dont effectivement le tenant est de construire une société en dehors dans des rapports sociaux qui sont, et humains qui sont nouveaux, en tout cas qui ne sont pas marqués par les principes de la domination et de la suggestion d'une classe sociale à d'autres, d'individus à d'autres, etc. C'est surtout au départ le refus de fonder ce projet sur un principe premier, que ce soit Dieu ou que ce soit la nature. Je suis très bref. Le mot anarchie apparaît en Grèce en moins 467 avec Eschyle qui utilise ce terme dans un sens de désobéissance et d'anarchie et de désordre dans un texte qui s'appelle Les Sept contre Thèbes. En France, c'est au Moyen-Âge qu'apparaît le terme d'anarchie, avec la traduction des œuvres d'Aristote par Nicolas Aurème. On est au XIVe siècle. Je passe les dates, Nicolas Aurème, si ça intéresse, je vous dirai de quelle date de naissance et de mort. Le mot anarchie est peu utilisé entre le XIVe et le XVIIe, et il entre au dictionnaire de l'Académie française en 1694. Il est associé à celui de démocratie et il en donne la définition suivante en 1798. Enfin, le dictionnaire en donne la définition. Alors, ça s'appelait Estat à l'époque, mais État déréglé, sans chef et sans aucune forme de gouvernement, la démocratie pure dégénère facilement en anarchie. Alors, Diderot, pour sa part, lui, dans l'Encyclopédie ou le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, en donne une autre définition en 1751. C'est un désordre dans un État qui consiste en ce que personne n'y a assez d'autorité pour commander et faire respecter les lois et que par conséquent le peuple se conduit comme il veut, sans subordination et sans police. Ce mot est composé de A privatif et de arché commandement. On peut affirmer que tout gouvernement en général tend au despotisme ou à l'anarchie. Ah, c'est intéressant. Cela dit, en France, ce n'est qu'en 1840, par le biais d'un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété ?», qui est un texte de Pierre-Joseph Proudhon, socialiste, puisqu'à l'époque il n'y a pas d'anarchiste, socialiste révolutionnaire, qui introduit la notion d'anarchiste, et puis il se déclare anarchiste, et il assure que la société cherche l'ordre dans l'anarchie. Pourtant, à l'époque de Proudhon, il n'y a aucun mouvement anarchiste organisé. Il faudra attendre les débats au sein de l'AIT, donc Association internationale des travailleurs, dite première internationale 1864-1872, pour qu'effectivement la notion d'anarchiste et d'organisation anarchiste apparaisse. Après, il y a le congrès de la création de la Fédération jurassienne, qui est la section anarchiste suisse de l'AIT, où l'on parle d'anarchiste, et puis surtout le congrès de Saint-Imier, sur lequel je reviendrai, Saint-Imier suisse, parce qu'il y a un Saint-Imier en France, en 1872, pour voir apparaître vraiment les premiers groupes révolutionnaires anarchistes qui sont déclarés entre 1876 et 1877. Alors, Il y a un autre mot qui est employé aussi, qui est proche, mais qui est un petit peu différent, c'est le mot de libertaire. Alors le mot de libertaire, c'est, il désigne des personnes, des courants, enfin tout ce que l'on veut, organisations, qui prennent une liberté absolue, qui est fondée sur la négation du principe d'autorité dans l'organisation sociale, et le refus de toute contrainte découlant des institutions qui sont fondées sur ce principe. Dans ce sens, effectivement, on pourrait se dire, mais il n'y a pas beaucoup de différence, il y a une similitude avec le mot d'anarchisme. Ce néologisme a été créé par un militant révolutionnaire et écrivain anarchiste qui s'appelait Joseph Déjac, 19e siècle, en 1857. Il était exilé aux États-Unis après les journées de la révolution de 1848, puisqu'il avait été exilé. Et il l'a créé en opposition à celui de libéral pour effectivement affirmer le caractère égalitaire et social de l'anarchisme naissant. Et ce terme de libertaire, ce qui est intéressant, il va l'utiliser la première fois pour critiquer Proudhon dans une lettre qui s'appelle, dans un pamphlet qui s'appelle « De l'être humain mâle et femelle » tiré « Lettre à Pierre-Joseph Proudhon » qui a été publié à La Nouvelle-Orléans en mai 57. Dans ce texte, Déjac s'oppose à la misogynie de Proudhon et l'accuse d'être, ouvrez les guillemets, « anarchiste juste milieu, libéral et non libertaire ». Et le libertaire, ça sera le terme qui sera employé et qu'il donnera au titre d'un journal, qui sera le premier journal publié aux États-Unis sous ce vocable-là. Le terme libertaire, suite aux attentats qui ont été commis dans les années 1893-1894, les lois, ce qu'on appelait les lois scélérates, qui, pour information, n'ont été abrogées qu'en 1992. Comme le mot anarchiste était banni et qu'il ne fallait surtout pas en parler, pour pouvoir continuer et poursuivre leurs activités militantes, et ben les anarchistes à l'époque sont appelés libertaires. Voilà. Alors le vocable anarchiste, il reste réservé aux partisans. Alors, bon, c'est un vocable un peu plus dur parce que c'est vraiment l'abolition de l'État, c'est du capitalisme et des religions, alors que l'adjectif libertaire, il est un peu plus souple et il s'applique à l'ensemble d'expériences qu'on peut trouver aujourd'hui de par le monde. C'est vrai que si on regarde autour de nous, il y a quelques années, personne ne se disait anarchiste, mais par contre, combien se disaient notamment d'intellectuels libertaires ? Il y en avait, tout le monde était libertaire, c'était extraordinaire. Cela dit, bon, comprenez bien qu'il s'agit vraiment d'une distinction vraiment minime d'ordre sémantique plutôt qu'idéologique, parce qu'aujourd'hui la tendance effectivement est à l'emploi indifférencié des deux. Cela dit, personnellement, pour que les choses soient plus claires, moi je préfère dire je suis anarchiste que libertaire. Alors, sur les origines, et là je vais en utiliser un petit document qui a été, j'espère vous pourrez en avoir tous, qui a été fait par Marianne Henkel, dont Philippe a parlé tout à l'heure, la créatrice du CIRA Lausanne, qui a fait dans le livre, dans la revue dont je suis un des animateurs, s'appelle Réfraction, je montre comme ça, vous pourrez la feuilleter, et qui a écrit il y a quelques années un texte qui s'appelait Une toute petite histoire de l'anarchisme. Et là, j'ai tiré un certain nombre d'éléments sur les origines. Alors, l'anarchisme, ce qu'il faut savoir, c'est ça naît du mouvement ouvrier. Ça n'est pas d'ailleurs. C'est pas une idée qui est apparue comme ça. Et au début, on parle donc peu d'anarchisme, mais surtout de socialistes révolutionnaires. Au 19e siècle, il n'y a pas de permanents syndicaux, il n'y a pas d'institutions ouvrières, il n'y a que des sections, puisque l'Association internationale des travailleurs, première internationale, est constituée sur cette base-là. À ses débuts, l'AIT va fédérer les courants autonomes du mouvement ouvrier, affirmant donc que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Après intervient le débat avec Karl Marx, qui, lui, avec ses amis, veut le faire un outil un petit peu différent de l'AIT, enfin de la structure, de subordonner l'organisation ouvrière à la conquête du pouvoir politique et contrôler les activités des sections par le biais de ce qu'on appelle, un mot curieux, mais qui à l'époque s'appelait un conseil général qui était établi à Londres. À partir de là, Michel Bakounine, donc je rappelle les dates, 1814-1876, et les siens, notamment les jurassiens, qui pratiquent le fédéralisme, qui valorisent l'expérience de la commune, non pas que Marx ne l'ait pas valorisé, je ne peux pas dire ce que je ne veux pas dire, donne petit à petit forme à tout ce qui deviendra et ce qui donnera naissance au mouvement anarchiste et anarcho-syndicaliste. Ils vont s'opposer effectivement à Marx et à peine rentrer en AIT, puisque je crois que Bakounine rentre en 1869, il me semble, dans l'AIT, ils s'en font expulser en 1872 lors du congrès de l'AE. il y a une bonne partie des militants de l'AIT qui partent et qui vont constituer et se retrouver sur un congrès fédéraliste à Saint-Imier, en Suisse. Et ça sera le premier congrès dont on a fêté le... Alors, j'ai plus les dates en tête. En 2012. En 2012, on a fêté le... 150. À peu près. Ça doit être ça. Et c'est ce congrès déclare diverses choses. L'autonomie et l'indépendance des fédérations et sections ouvrières sont la première condition de l'émancipation des travailleurs. Et la déclaration la plus connue, c'est là où il est dit, qui porte sur la nature de l'action politique du prolétariat, c'est là où il est dit que la destruction de tout pouvoir politique est le premier devoir du prolétariat. Que toute organisation d'un pouvoir politique soi-disant provisoire et révolutionnaire pour amener cette destruction ne peut être qu'une tromperie de plus, et serait aussi dangereuse pour le prolétariat que tous les gouvernements existants aujourd'hui, et que les prolétaires de tous les pays doivent établir, en dehors de toute politique bourgeoise, la solidarité de l'action révolutionnaire. Donc là, on est en 1872, et à travers certains termes, on voit bien l'opposition qu'il y a avec les autoritaires, puisqu'il y avait les anti-autoritaires qui étaient regroupés sous le vocable anarchiste, et les autres. Alors, l'histoire du mouvement anarchiste, donc, elle commence à se structurer à partir de ces années-là. Cela dit, les idées anarchistes, elles ont commencé il y a longtemps avant. Il y a eu des précurseurs. Alors, Proudhon leur donne vie, mais il y a des précurseurs, notamment le premier d'entre eux, c'est William Godwin, qui au temps des Lumières, au XVIIIe siècle, va apporter une notion qui est importante, qui est celle de la notion de justice politique, qu'il va opposer à la sphère politique et de façon à proposer effectivement l'abolition des gouvernements et des États au profit du bien commun. Pendant ce même temps, sur un autre registre, sa compagne, qui s'appelle Mary Wollstonecraft, elle affirme haut et droit les droits des femmes, donc on est au XVIIIe siècle, revendiquant égalité et autonomie pour celle-ci. Bien avant eux, il ne faut pas l'oublier, parce que le concept de servitude volontaire est important, parce que ça dénonce une autre facette de la domination et donc des rapports de contraintes, c'est Étienne de la Boétie. On est au XVIe siècle. Alors, aux États-Unis, il va se développer au XIXe siècle un courant libertaire important qui est hostile à toute ingérence de l'État et qui est défenseur d'autonomie personnelle. Parmi ses auteurs, on peut citer Josiah Warren, Lysander Spooner et surtout Henri David Thoreau, La désobéissance civile, c'est son texte écrit en 1949. Qui sont à leur manière des précurseurs de l'anarchisme. Et plus précisément, j'en parlerai plus tard, précurseurs d'un courant qui s'appelle l'individualisme anarchiste. Alors, pour beaucoup aujourd'hui, et ça c'est encore, même si on est habillé comme ça, c'est pas bon, l'anarchisme se confond avec des personnages de noirs vêtus, c'est vrai. Non, c'est comme ça, mais là, sans la bombe sous le bras. Je fais allusion à la propagande parfaite, bon, qui a surtout effectivement, c'est par ce biais-là, par cette. Propagande qui est une expression qui est un complément de la propagande par la parole et l'écrit, qui sont les armes habituelles des anarchistes. Cela dit, c'est cette propagande par le fait à la fin des années du 19e qui a contribué à l'idée négative de l'anarchisme. Toujours le couteau, les méchants, etc. Bon, Chitré en traite, on a parlé de Bonneau, je crois. Non, Ravachol. Ravachol. Bonneau, Clément Duval, Émile Henry, Marius Jacob, etc. Marius Jacob, qui n'avait, je crois, il n'a jamais tué personne. Un policier. Ah, oh, bah, c'est qui lui tirait dessus. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Voilà. En ce qui concerne le mouvement ouvrier, ben, il est fait aussi de lutte et donc de répression. Et à ce niveau-là, les anarchistes ne sont pas, entre guillemets, les premiers à subir les foudres de la répression. Par exemple, Alexander Berkman, qui prend 22 années de prison aux États-Unis pour avoir tenté d'abattre, il a tiré à plusieurs reprises, mais il n'a pas réussi à tuer le directeur en 1892, le directeur d'une entreprise qui avait réprimé une grève à Chicago. La chaise électrique pour Sacco et Vanzetti, qui sont arrêtés aux États-Unis, exécutés en 1927 pour un hold-up qu'ils n'avaient pas commis. Leur ami Andreas Salcedo, qui est retrouvé mort sous la fenêtre d'un commissariat. Ce qui renvoie plus tard, en 1969, à la même chose qui arrivera à Giuseppe Pinelli en Italie, à Milan. Les anarchistes américains d'origine russe qui sont déportés dès après la révolution de 1917, là on est en Russie, et l'écrasement de la commune de Kronstadt, ça Philippe en parlera davantage en 1921, par l'armée rouge qui à l'époque était commandée par Trotsky, et les militants fascistes allemands ou italiens qui se retrouvent contraints à l'exil, voire pour beaucoup d'entre eux, enfin pour un certain nombre d'entre eux, notamment allemands, envoyés en camp de concentration. Alors, après la répression de la Commune de Paris, le mouvement ouvrier va se reconstituer, et ça va être difficile. Il va se reconstituer non plus sur la base d'un projet insurrectionnel révolutionnaire qui, effectivement, avait échoué, si on veut parler de manière factuelle, mais surtout autour de l'idée de grève générale. Et ça, c'est l'apparition de ce qu'on va appeler un courant qui est important dans le syndicalisme, c'est le syndicalisme révolutionnaire. À l'époque, il y a un militant anarchiste qui s'appelle Fernand Peloutier, qui va consacrer sa vie à constituer et à les fédérer les bourses du travail, qui sont des outils de culture, mais des outils de lutte et de rassemblement des travailleurs. En 1895 se constitue la première fédération des syndicats, la CGT. Et au sein de cette CGT, les plus actifs des militants et ceux qui l'encadrent et la structurent, ce sont des militants anarchistes. Peloutier, à son image, il y a Émile Pouget, Pierre Menat ou Paul de Lessal. Donc apparaît cette nouvelle théorie révolutionnaire qui est le syndicaliste de révolutionnaire qui va trouver sa confirmation avec la charte d'Amiens qui est rédigée par Griffuel et Pouget et votée en 1906 par la CGT et dont les grandes orientations sont la reconnaissance de la lutte des classes, l'affirmation qu'effectivement la lutte syndicale est importante pour avoir des améliorations immédiates, ce qui n'empêche pas de lutter pour la transformation révolutionnaire de la société. L'outil de ce syndicaliste, des syndicalistes révolutionnaires, c'est la grève générale expropriatrice, c'est-à-dire on paralyse la production et on gère les entreprises, on les autogère. Autogère, c'est moi qui l'ai, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est voilà. Les syndicats, donc déjà, on affirme leur capacité à aménager la production et puis à la gérer. Ils sont indépendants, ça c'était important, Charles d'Amiens, des organisations politiques. Et ils sont organisés sur le sens de la fédération. Alors, ils pratiquent l'action directe. Elle est légale, pas légale. Elle est violente, pas violente. Et la forme principale employée, c'est la grève, mais aussi le sabotage ou le boycott. Pendant ce temps-là, parallèlement, mais je ne m'étendrai pas trop parce que Philippe en parlera, dans d'autres pays, il y a de mouvements ouvriers qui structurent, qui prennent d'autres formes. En Suède, ça s'appelle la SAC. Aux États-Unis, les IWW, les Industrial Workers of the World, la CNT espagnole et la FORA en Argentine. Voilà. En ce qui concerne les tendances, donc traditionnellement, au niveau en ce qui concerne les anarchistes, on reconnaît trois tendances principales qui sont les individualistes. C'est pas par ordre ni décroissant ni hiérarchique, rien du tout. Hein. Les individualistes, les anarcho-syndicalistes et les communistes libertaires. Pour autant, si c'était comme ça, ce serait assez simple. Je vais prendre deux exemples de militants, à la fois de chercheurs, d'historiens, pour montrer que les choses sont pas obéissent parfois à des logiques différentes. Enfin, obéissent à des logiques différentes. Je prendrai le cas d'Irène Pereira, qui a écrit un petit livre, c'est celui-ci, Anarchiste, qui est paru à La Ville Brûle en 2009, qui est une militante de... Thierry en parlera de Alternative Libertaire, qui est dans le collectif de réfraction, qui est une chercheuse plutôt branchée sur les problématiques d'éducation et qui, elle, évoque des courants un petit peu différents. Elle parle du communisme libertaire, de l'anarcho-communisme et de l'individualisme anarchiste. Les deux premiers courants, à l'évidence, relèvent de ce que l'on pourrait appeler l'anarchisme social, dont l'objectif est effectivement de transformer la société. Le troisième, l'individualisme anarchiste, relevant plutôt, alors il faut être prudent, mais je dirais relevant plus d'un style de vie, d'une éthique personnelle et individuelle. Alors, pour autant, cette classification est intéressante parce qu'elle questionne l'anarchisme. Qu'est-ce que c'est l'anarchisme finalement? C'est une doctrine de classe? C'est une conception humaniste? C'est une théorie individuelle? Trois termes qu'on va retrouver sous les trois courants. Le communisme libertaire... sous ce vocable sont donc regroupées les théories et les pratiques anarchistes qui mettent en avant une lecture de lutte des classes de la société. Le mouvement comprend les anarchistes syndicalistes révolutionnaires, les anarcho-syndicalistes et les communistes libertaires plateformistes. Plateformistes, retenez ce terme, c'est compliqué, mais on en parlera à la fin. La société. Une interrogation écrite. Ouais, on lèvera tout hein, pour savoir si vous avez bien écouté. Alors, la société, elle est divisée en deux classes. Je ne vous apprends rien, aujourd'hui c'est plus compliqué. Mais bon, les prolétaires qui sont contraints de vendre leur force de travail, et puis les capitalistes qui détiennent, les méchants capitalistes bien sûr, qui détiennent les moyens de production. Le problème, c'est de considérer qui est le sujet révolutionnaire dans cette histoire-là. Pour les communistes libertaires, à l'évidence, c'est le prolétariat, qui est le sujet de l'histoire et qui est le seul capable d'amener un projet révolutionnaire, en l'occurrence, de basculer sur une société anarchiste. Il s'oppose en cela aussi, donc on rejoint les débats de l'AIT aux communistes autoritaires, à savoir c'est l'ensemble des courants qui se réclament de la pensée de Lénine. Ils sont, je parle des communistes libertaires, ils sont pour une critique radicale de la propriété, pour une révolution qui implique une rupture avec l'expropriation des propriétaires des moyens de production, ils sont favorables à l'usage du syndicalisme. Cela dit, avec le recul et aujourd'hui, on peut émettre une critique sur le communisme libertaire, c'est que les années, par exemple, notamment 1970, vont être l'occasion de voir surgir de nouvelles luttes qui ne peuvent pas être ramenées simplement à la lutte du prolétariat. Je pensais aux femmes, par exemple, au problème du racisme, à l'écologie, autant de luttes qui font que aujourd'hui, et c'est valable un petit peu en dehors du communisme libertaire, le sujet révolutionnaire n'est plus forcément le prolétariat, parce que le prolétariat existe encore. Qu'est-ce que ça recouvre comme terme? Ça pourrait être l'occasion d'en débattre tout à l'heure. Par exemple, les écologistes qui peuvent reprocher à juste titre aux socialistes révolutionnaires, anarchistes et tout, d'être partis dans des logiques, d'avoir soutenu plus exactement des logiques de productivistes. Donc avec tous les dégâts que l'on peut voir, non pas ce qui a été fait, mais avec toutes les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui de telles logiques sur l'environnement. D'où la nécessité pour les communistes libertaires actuels, dont Thierry parlera, dans leurs organisations actuelles, de prendre en compte des revendications diverses. En ce qui concerne l'anarcho-communisme, qui est le deuxième courant qu'identifie Irène Pereira, là, on dépasse la notion de classe et on va sur une transformation de la société qui fait appel à l'humanité dans son ensemble. Donc, parce qu'on dit, il n'y a pas seulement le prolétariat qui est exploité, mais c'est un problème qui concerne toute l'humanité. Ce courant donc met en avant des principes universels et il s'attache beaucoup plus à une dimension politique de la transformation sociale. L'un de ses tenants, c'est Pierre Kropotkin, qui est mort en 1921 et qui est aux sources de l'anarcho-communisme. Donc c'était aussi un scientifique, et notamment dans un livre comme un de ses livres les plus célèbres qui s'appelle L'Entraide, il a à la fois critiqué la théorie de Darwin et en plus il a développé une notion qui est celle de l'évolution. C'est-à-dire que pour lui, la survie de l'individu, il y a une coopération à l'intérieur d'une même espèce face à l'environnement. Pour lui, il y a deux principes à l'œuvre dans l'évolution naturelle du vivant, le principe d'affirmation individuelle et celui d'entraide. Et pour Kropotkin, l'évolution marque le triomphe de l'entraide, c'est-à-dire quelque chose qui se développe et qui peut aboutir sur dépasser les choses personnelles, individuelles, pour déboucher sur une autre société. En ce qui concerne, il y a aussi dans ce courant, il faut parler d'Élisée Reclus, on parlait d'écologie, qui est un géographe, qui est un militant anarchiste, un ami de Kropotkin, qui reconnaissait dans la lutte des classes une des lois, effectivement, qui régissait la nature, mais aussi qui reprenait à son compte la notion d'entraide. Et c'est surtout un des premiers anarchistes qui s'est soucié des questions d'environnement et du rapport de l'homme à la nature. La critique de ce courant-là, c'est que à vouloir ramener un petit peu un caractère universel la difficulté, je veux dire l'exploitation, fait qu'on en oublie les rapports d'exploitation et de mission qui quand même concernent des classes sociales bien précises. Tout le monde est victime de rapports de domination et d'exploitation, mais là c'est un petit peu gommé dans une humanité qui souffrirait d'un problème bien plus large. C'est vrai que souvent est employé le mot un petit peu ambigu de peuple dans ces réflexions-là et qui pose problème. Troisième courant, c'est donc l'individualisme anarchiste. C'est un courant qui met l'individu au cœur de la transformation de la société. Alors, pour les anarchistes individualistes, rien n'est trop beau que soi. Et entre autres, Émile Armand le fera, j'en parlerai après, une grande critique sur le communisme qui contient pour lui une... Il s'appelait pas Émile. C'est E. Armand. Oui, non, mais le prénom, c'est Émile. C'est un vieux débat. Non, c'est E. Je suis pas d'accord. je voyais pas pourquoi vous veniez. Alors moi, vous voyez, il n'y a pas d'unité. Alors, eux Armand, sur le prévu, le débat est toujours vivant. Eux Armand. Ils estiment donc que le communisme contient un risque d'oppression de l'individu. Ils estiment que la transformation sociale ne repose pas sur une classe sociale, mais sur les individus. Et donc, il est nécessaire pour que ces individus puissent se réaliser qu'il y ait une initiation qui leur soit faite et non pas une éducation. C'est pour ça que le livre principal d'Armand, de E. Armand, qui est mort en 1962, qu'il a publié en 1922, ce qui s'appelle « L'initiation individuelle anarchiste », et il se fera le propagandiste infatigable de ce courant-là. C'est entre parenthèses, c'est un livre qui a été publié en 1922, qui vient tout juste pour la première fois d'être édité en 2014. C'est quand même un monument, parce qu'il y a 600 pages, c'est vraiment un gros, gros document, et qui est très intéressant, et qui montre un petit peu de quoi est fait. C'est vraiment la conceptualisation, la théorisation de cette théorie de l'individualisme anarchiste. Alors, cela dit, les conceptions, alors la transformation sociale, elle n'est pas à caractère social, elle n'est pas à caractère collectif, elle est à caractère individuel. Ce ne sont pas des actions de masse qui sont mises en jeu, mais des petits groupes d'individus qu'on appellera les milieux libres, c'est-à-dire qu'ils vont se réunir en communauté, qu'ils vont se réunir par exemple, je pensais à la bande dessinée. Qui s'appelle L'Essai, qui est une très très belle bande dessinée. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est à la... Voilà. Elle a été empruntée. Bon, c'est bien. Et qui rappelle effectivement la construction d'une communauté libertaire sur des bases anarchistes individualistes ou individualistes anarchistes à Aiglemont dans les Ardennes au début du XXe. C'est ça. Ouais. Voilà. Alors la critique, c'est que effectivement, vous comprendrez bien que l'individualisme... Bon, je suis allé très rapidement, mais... ne prend pas suffisamment en compte, ou même ne prend pas du tout en compte, la dimension sociale et collective du changement social. Donc c'est quand même un problème un petit peu particulier. Et il est vrai que travailler, comme le disait Armand, à sa sculpture intérieure et à son éthique individuelle paraît insuffisant quand même par rapport à la société à construire. Un autre personnage qui s'appelle Gaetano Manfrediona, qui est un historien, qui a, lui, en mai 2007, dans le cadre d'un livre qui s'appelle, qui est paru à l'ACL, Atelier de création libertaire à Lyon, qui s'appelle Anarchisme et changement social, a établi quant à lui une autre classification qui est plus contemporaine. Alors il parle, cela dit, du syndicalisme, il va le parler de l'éducationnisme réalisateur, il va parler de l'insurrectionnalisme. Alors pour arriver à cela, en fait, il va entreprendre une relecture du mouvement anarchiste dont il va dégager à travers les pratiques militantes et non plus les idées ou les organisations qui s'en réclament, trois idéotypes du changement social. Donc il y a la conception insurrectionnelle, oui, favorable à l'utilisation de moyens violents pour amener des transformations souhaitées, qui va se heurter à deux autres conceptions qui sont relativement différentes au niveau, qualitativement différentes au niveau du changement social et qui s'appuient sur l'action autonome de la classe ouvrière, c'est le syndicalisme, ou alors sur celle de l'individu, on rejoint la vision éducationniste réalisateur. Pour un petit peu refaire le point sur, illustrer ces différentes réflexions, je prendrai deux exemples. Le premier, c'est le débat qui a eu lieu en 1907 au Congrès anarchiste d'Amsterdam, qui a opposé deux points de vue différents. Celui de Pierre Monnat, qui était syndicaliste et qui estimait que le syndicat était suffisant pour réaliser le projet politique de l'anarchisme, qui est un projet de révolution des rapports de production et de lutte contre le système capitaliste et l'État. Et d'autre côté, les compagnons anarchistes qui étaient regroupés autour de l'Italien Enrico Malatesta, qui, eux, estimaient que le syndicat n'était pas en soi révolutionnaire. Il était plutôt même de nature réformiste, comme en Espagne. Berneri, voilà. Et Berneri, en Espagne, disait autre chose. Lui disait que les masses ne sont pas forcément révolutionnaires par nature. On rejoint un peu le même problème. Et donc Malatesta, qui considérait sur des bases anarcho-communistes effectivement que le projet anarchiste ne s'limitait pas à une révolution en faveur d'une classe exploitée, mais considérait l'humanité d'une manière générale. Une deuxième illustration, c'est le débat plateformisme-synthèse, on y vient, qui alors peut paraître un peu obscur, mais cela dit, a agité le mouvement libertaire un petit peu européen dans la décennie 1920-1930. Alors, et encore après un peu. Ce débat, il est issu de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, on constate que le syndicalisme révolutionnaire a décliné, qu'à Moscou s'est créée la Troisième Internationale sous à direction communiste, que le mouvement anarchiste à la guerre s'est déchiré, notamment ce qu'on appelle le manifeste des 16, avec Kropotkine, Malato, Grave, qui, alors, le manifeste des 16, il est important parce que c'est une partie des anarchistes qui s'est déclarée en faveur de la guerre, et notamment contre l'Allemagne, qui a pris position pour dire tout sauf l'Allemagne. Donc ça a créé des fractures innommables au sein du mouvement anarchiste de la part de gens importants, puisque Kropotkine est un des penseurs du mouvement anarchiste. Et puis l'échec de la conception que pouvaient en avoir les anarchistes, en tout cas de la révolution de 17 en URSS, avec notamment la soumission des soviets au parti bolchevique. Donc tout cela fait que l'anarchie dans cette période-là entre dans une période de repli et que les choses deviennent difficiles et qu'une réflexion doit se faire jour pour essayer de rénover cet anarchisme. Alors cette réflexion, elle a surtout lieu au sein, en France entre autres, au sein du milieu des exilés russes qui se sont exilés après la fin de l'aventure de Makhno, la Makhnovichina, et qui ont été, donc après l'échec de ce mouvement qui a démarré en Ukraine, mais ça tu en parleras, analysent un peu les conséquences, pourquoi, les raisons de cet échec, pourquoi on en est venu là, et ils vont développer une thèse, un concept qui s'appelle le plateformisme, plus exactement la plateforme organisée, c'est en 26, c'est un texte de nature communiste libertaire, qui s'appelle Plateforme organisationnelle de l'Union générale des anarchistes. De manière plus courante, on dit plateforme Archinov, même si Archinov n'a pas été le seul à signer ce texte, puisqu'il y avait Nestor Makhno, qui était à la tête de la Makhnovichina, dont on parlera fini. Il y avait Idamet, et puis Walewski et Linsky. Alors la plateforme, elle est composée de trois parties. Il y a une partie générale qui est sur le capitalisme et la stratégie pour le renverser, une partie constructive sur le projet communiste libertaire et une partie organisationnelle sur le mouvement anarchiste lui-même. La partie générale, elle déclare par exemple que l'anarchisme n'est pas une belle fantaisie, une idée abstraite de philosophie, mais clairement un mouvement révolutionnaire ouvrier et qui repose, donc la grille d'analyse est clairement une analyse matérialiste, sinon marxiste, et la lutte des classes comme moteur de l'histoire. La partie constructive, c'est je vais un peu le passer, c'est sur la production industrielle, c'est sur le fait que les paysans révolutionnaires doivent construire eux-mêmes leurs projets, et aucune pression du dehors n'est possible dans cette question. Et puis la partie organisationnelle, c'est l'unité théorique, c'est l'unité qui est clairement communiste libertaire, c'est l'unité tactique et la responsabilité collective, notamment la notion d'autodiscipline. Face à ce concept, il y a un certain nombre d'autres anarchistes, notamment Voline et Sébastien Faure, qui vont opposer un autre concept qui s'appelle la synthèse. Donc dans les années 26-28, ils vont édifier ils vont élaborer tout ce projet dans la mesure où ils voient pour eux que le plateformisme est une volonté de bolcheviser l'anarchisme. La synthèse libertaire, c'est une forme d'organisation qui rassemble les différentes tendances du mouvement anarchiste, donc les classiques, les individualistes, les anarchistes et les anarcho-syndicalistes, les anarchistes communistes, les communistes libertaires. Et c'est en disant que finalement, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est que ces différents courants ne sont pas si différents que ça. Il y a des appréciations qui sont un petit peu diverses et finalement, on pourrait... En y réfléchissant bien, refondre un petit peu tout ça pour donner corps à une unité théorique et effectivement générer une organisation différente. Entre parenthèses, aujourd'hui, Thierry en parlera, c'est que la fédération anarchiste en France est basée sur ce concept, qui n'est peut-être pas tout à fait le même, mais basée sur la notion de synthèse. D'après Voline, Voline et ses amis vont publier un pamphlet de 40 pages qui s'appelle « Réponse à la plateforme », dont le ton est très polémique, les auteurs accusant les plateformistes de vouloir bolcheviser l'anarchisme. Le caractère classe est nié, puisqu'on dit que l'anarchisme n'est pas une conception seulement classiste, mais humanitaire et individuelle. Et la partie constructive de la plateforme est comparée au programme de transition léniniste. Et les principes organisationnels sont assimilés à de la discipline de caserne. Voilà ce qu'il en est de l'étymologie, des origines, des concepts, des tendances. Bon, j'étais un petit peu long, mais c'est vrai que ça peut... Bon, j'ai essayé d'en dire le moins possible, mais je crois qu'on va voir des choses un peu plus contemporaines maintenant avec... Donc, comme vous l'avez compris, c'est le mouvement anarchiste et internationaliste. Hein, donc, il est présent dans presque toutes les parties du monde. Enfin, à l'origine, il y avait deux parties qui échappaient à l'anarchisme, c'était l'Afrique et le Proche-Orient en gros. Mais on va voir que ça évolue dans un sens différent. Et maintenant, on peut dire qu'il est quasiment planétaire. Alors, on va faire un petit tour du monde. On va commencer par les États-Unis. Bernard a évoqué le 1er mai. Alors, le 1er mai 1886, un meeting convoqué pour défendre les 8 heures est durement réprimé par la police. Et il y a une manifestation de protestation qui va suivre. Et à ce moment-là, éclate une bombe. Et plusieurs anarchistes vont être arrêtés et condamnés à mort, pendus. Et c'est une chose qu'on ne sait pas, mais le 1er mai date de cette époque. C'est les martyrs de Haymarket. C'est à Chicago que ça s'est passé. Et donc là, je vais vous dire pas mal d'événements, et souvent ils sont un peu ignorés dans les livres d'histoire, parce qu'il y a une tendance générale à minimiser le rôle des anarchistes. Donc aux États-Unis également, est apparu un syndicat qui s'appelait les IWW, les Industrial Workers of the World, qui était un syndicat vraiment radical, anarcho-syndicaliste, et qui ne syndiquait pas seulement les ouvriers, mais aussi les vagabonds, ce qu'on a appelé les hobos, notamment, et qu'on voit souvent dans la littérature, donc ces gens qui parcouraient l'Amérique, qui grillaient le train pour aller d'une partie à l'autre de l'Amérique. Et là, il y a un personnage qui est assez connu, qui s'appelle Joe Hill, donc, qui était un immigrant suédois, et qui a été lui aussi accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis et qui a été fusillé. Joe Hill, il y a un film qui a été réalisé dans les années 70 et qui vient juste de ressortir. Et bon, il n'est pas encore en DVD, mais bon, c'est un très très beau film, hein, un film suédois qui raconte cette histoire. Aux IWW, on doit aussi le symbole du chat anarchiste que vous voyez peut-être dans les manifs. Sur les drapeaux de la CNT notamment, et c'est eux qui ont inventé ce chat hérissé qui est un des symboles de l'anarchisme. On a parlé, il y a le drapeau noir, il y a quelques symboles comme ça, le A cerclé, alors le A cerclé c'est les années 60, le chat c'est vraiment ancien, le drapeau noir ça remonte à Louise Michel, c'était un bout de chiffon noir qui a été mis au bout d'un manche de drapeau, et à l'occasion de manif de la faim où il y a eu un pillage de boulangerie, et Louise Michel avait ce drapeau. Et comme symbole, on en voit d'autres. Parfois, il y a un coq aussi. Il y a tout un imaginaire. Coq, enfin, un petit coq, ouais. Je veux bien qu'Armand s'appelle pas Émile, mais un coq. Donc après on va passer en l'Amérique du Sud. Comme on l'a vu aussi, le mouvement anarchiste est très lié au mouvement ouvrier. Et la plupart des syndicats d'Amérique du Sud étaient liés aux anarchistes jusqu'aux années 20. Alors, après, les années 20, c'est l'hégémonie du Parti communiste, le modèle de la révolution soviétique. Donc, petit à petit, les syndicats passent de l'anarcho-syndicalisme au communisme léniniste. Mais dans l'histoire, j'ai traduit récemment un texte sur le mouvement ouvrier au Brésil, et on s'aperçoit que jusqu'aux années 20... l'essentiel du mouvement anarchiste était du mouvement syndical était anarchiste. Pareil dans des pays comme la Colombie, le Pérou, l'Uruguay, l'Argentine. En Argentine, on a Bernard l'a cité, un syndicat très important qui s'appelait la FORA. Alors, en espagnol, c'est Fédération ouvrière régionale argentine. Alors la FORA avait cette particularité d'être à la fois un syndicat et un mouvement anarchiste. Donc ce qui sera différent pour le syndicat CNT espagnol, comme on le verra tout à l'heure. Donc un travail d'organisation des ouvriers, de préparation de la grève générale, mais aussi un travail d'éducation des Athénées. Nous, on a été en Argentine dans les années 80. Il restait des bibliothèques des années 20-30. Le mouvement anarchiste argentin a disparu à cause des communistes, mais aussi, bien sûr, des dictatures, ce qui est le cas de la plupart des pays d'Amérique du Sud qui ont subi des dictatures très fortes, et notamment au Brésil. Mais ça n'a pas empêché que ces mouvements existent toujours aujourd'hui. Il y a toujours eu quelques personnes qui sont restées et c'est reparti. Et des pays où c'est important, notamment en Uruguay, on ne parle pas souvent, mais il y a un mouvement anarchiste très important dans ce pays. À Cuba, bon, on pense évidemment à Fidel Castro, mais jusqu'aux années 60, il y avait des anarchistes à Cuba. Ils ont participé aux luttes contre les dictatures de Machado et de Batista. Il y en a encore. Le Mexique, n'oublions pas. Donc, on parle du Chiapas aujourd'hui, des mouvements de Oaxaca qui reprennent un slogan « Tierra y Libertad ». Ce slogan, il est très ancien puisqu'il est apparu en Russie sous le nom de « Zemlya y Volia », qui veut dire la même chose. Et puis, vous avez certainement entendu parler du film « Land and Freedom », qui veut dire la même chose et dont on parlera tout à l'heure. Donc au Mexique, c'est Zapata, donc le mouvement zapatiste, qui était influencé par un anarchiste qui s'appelait Ricardo Flores Magón, qui avait un parti qui s'appelait le Parti Libéral, mais enfin qui n'était pas un parti, qui était un mouvement anarchiste en réalité, et qui a eu une grande influence sur Zapata. On va passer en Asie. Alors en Asie, oui, c'est méconnu, mais il y a eu des anarchistes en Chine, au Japon, en Corée. Alors souvent des étudiants qui étaient venus faire leurs études en Europe et qui ont créé un anarchisme qui est un mélange de l'anarchisme européen, mais aussi des traditions locales, notamment le taoïsme qui a pu inspirer l'anarchisme chinois. En Chine, on a un écrivain qui est assez connu qui s'appelle Pakin. Pakin, c'était son nom de plume. C'est un personnage qui est mort à 100 ans, hein, au début des années 2000, qui a introduit les textes anarchistes, qui a fait des traductions, qui parle espéranto, qui a traduit des brochures sur la Révolution espagnole. Et son pseudonyme, donc il s'appelait Li Paikan, et il a pris le pseudonyme de Pakin, on l'écrit maintenant Pajin en nouvelle graphie chinoise, et le Jin est un hommage à Kropotkin. C'est comme ça qu'on dit Kropotkin. Bon, on a longtemps dit que le bas voulait dire Bakounine, mais oui, il y a aussi plusieurs versions sur le pseudonyme de Pakin. Au Japon, il y a des personnages comme Shusui Kotoku, Sakae Osugi Itonoe, bon, qui ne sont pas connus ici, mais qui ont subi une forte répression, puisqu'ils ont tous été assassinés par les militaires au pouvoir au Japon, et notamment en 1923, il y a eu un grand tremblement de terre, et dans le désordre qui a suivi, on en a profité pour liquider tout le monde, c'est-à-dire les Chinois, les Coréens et les anarchistes qui étaient en prison à ce moment-là, et les militaires en ont profité pour les assassiner. En Corée, c'est beaucoup moins connu, mais la Corée était envahie par le Japon, et il y a eu des guérillas contre les Japonais, et notamment... Alors, je n'ai pas retenu le nom, mais un personnage qu'on a appelé le Makno coréen. Alors, Makno, on va y venir, parce que c'est une des grandes figures de l'anarchisme. Alors, ça se passe en Ukraine. Donc, la partie sud-est de l'Ukraine, à l'est du Dniepr, là, ce grand fleuve, autour d'un gros bourg qui s'appelle Goulaï-Polier. Et Makno était un paysan, et donc il a participé à la première révolution de 1905. Il a été envoyé en prison, et il s'est mis à lire. Il a rencontré des révolutionnaires, il est revenu en Ukraine en 1914, et il était à la tête d'un mouvement qui s'appelait la Maknovchina. Donc Maknovchina, c'est l'instauration de communes libres dans toute cette partie de l'Ukraine, donc la terre aux paysans, donc c'était surtout c'est un anarchisme rural surtout, mais avec, alors c'était très très difficile puisque là on était entre les Blancs qui voulaient envahir à nouveau la Russie. Donc il y a des alliances un moment avec les bolcheviks, mais les bolcheviks se retournent contre les anarchistes. Mais finalement, cette expérience dure entre 1918-1921. Et quand ils ont pu, quand il y a, dans les moments de calme, ils ont réussi à faire vraiment des communes, des expériences d'éducation populaire et des écoles Ferrer, comme Ferrer, c'est un pédagogue libertaire espagnol qui avait été assassiné aussi. Bon, il y a beaucoup de morts dans notre histoire. C'est pour ça qu'on est en noir. De morts violentes. Ouais. Donc Francisco Ferrer, pédagogue anarchiste, fusillé en 1909, considéré comme responsable d'émeutes alors qu'il n'était que pédagogue. Donc des écoles Ferrer ont essaimé dans le monde entier, notamment en Ukraine. On a évoqué la révolte, donc l'idée en Russie à l'origine, les anarchistes n'étaient pas majoritaires, mais ils ont eu un rôle important. Et la révolution du début leur plaisait, puisque c'est l'idée de soviet, qu'on appelle aussi, nous, conseil ouvrier. Enfin, il y a plusieurs termes. Conseil ouvrier, c'est un terme qui a été repris par un penseur qui s'appelle Anton Panekouk, un penseur hollandais. Donc l'idée des soviets plaisait aux anarchistes, puisque c'était vraiment la base qui gérait les usines, les marins qui géraient leurs bateaux, les paysans qui géraient leurs villages. Mais petit à petit, bon, vous connaissez l'histoire, le parti communiste bolchevique est devenu hégémonique et a pris le pouvoir et a fait disparaître les soviets autonomes. Les soviets n'avaient plus de soviets que le nom. Et donc à Kronstadt, c'est une révolte qui a lieu en mars 1921. Kronstadt, c'est une île qui est au large de Saint-Pétersbourg, Leningrad, qui n'était pas encore Leningrad à l'époque, c'était Petrograd. Et c'est surtout des bases militaires, il y avait des marins, des soldats, mais aussi des ouvriers. Et il y avait eu des grandes grèves à Saint-Pétersbourg, et les marins et les soldats les ont soutenus et ont décidé de faire une commune libre. Alors ça a duré ce que ça a duré. Les bolcheviks ont envoyé Trotsky réprimer cette révolte. Et c'est depuis cette époque que les rapports entre anarchistes et Trotsky sont relativement tendus. Bien qu'il y ait des évolutions, quelqu'un comme Besancenot se dit libertaire et a reconnu quand même les erreurs de son grand maître à penser. Trotsky, qui a aussi réprimé, qui était la révolte en Ukraine de la Makhnovtchina. Alors, à la suite de la guerre de 14-18, des conseils ouvriers apparaissent dans toute l'Europe, hein, en Allemagne, en Italie, en Hongrie, et les anarchistes sont présents dans toutes ces révolutions. Notamment en Allemagne, c'est surtout en Bavière. Alors là, on a des figures comme le poète Erich Mühsam, qui va être arrêté, qui va passer de prison en prison, qui va finir une des premières victimes des camps de concentration nazis en 1934. Je crois qu'il a été décapité à la hache. Nous avons un penseur qui s'appelait Gustav Landauer, qui a été fusillé à la suite de la commune de Munich. La commune de Budapest, où là il y avait quand même beaucoup de communistes, notamment Béla Kun, mais les anarchistes y ont participé, ça a été réprimé dans le sang également. En Italie du Nord surtout, c'est un mouvement d'occupation des usines, donc des grandes grèves, des conseils ouvriers dans les usines, auxquels participent les anarchistes, notamment Malatesta, dont on a parlé tout à l'heure. Le mouvement anarchiste était important également en Bulgarie. Donc ça, c'est pas très connu, mais il y avait ils ont résisté aux dictatures, au fascisme, et ce sont les communistes qui ont liquidé le mouvement, puisque en 1945, leur hebdomadaire tirait à 30 000 exemplaires. En Suède, on a eu un syndicat qui s'appelait la SAC. Je vous dirai pas ce que ça veut dire en suédois. Et là, il y a un personnage qui est assez connu, peut-être que vous connaissez si vous lisez de la littérature, c'est Stig Dagerman. Donc un des plus grands écrivains suédois qui était journaliste et qui participait à la presse de ce syndicat. Il était édité chez Agon. Réédité chez Agon. Il s'est suicidé très jeune. Désolé, mais il s'est suicidé. Il n'a pas été assassiné, celui-là. Ouais. Pas été assassiné, mais bon. Bon, la Suède, il flinguait un peu moins que dans d'autres pays, c'est pour reconnaître. Alors, on va venir, bon, le chapitre le plus important de l'histoire d'anarchie, c'est l'Espagne. Hein, donc, 36, dont on va fêter le, je ne vais pas dire les conneries, 70 ans, 80 ans. Alors, il y a plusieurs façons de parler de l'Espagne. C'est vrai que la conférence qu'il va y avoir dans une quinzaine de jours s'appelle la guerre civile, la guerre d'Espagne. Nous, on aurait plutôt tendance à valoriser la révolution espagnole, parce que ce qui s'est passé, c'est une véritable révolution sociale, anarchiste. Mais bon, qui ne sortait pas de nulle part. Hein. Le mouvement anarchiste en Espagne, ça remonte à la Première Internationale. Les premiers envoyés de la Première Internationale, c'était les Italiens. Ils sont arrivés en Espagne, ils ont rencontré les représentants des mouvements ouvriers. Et ils se sont tout de suite compris, les uns parlaient espagnol, les autres italien, mais ça a été la fusion et l'adhésion aux thèses de Bakounine. Dès le départ, et le communisme finalement de Marx, le marxisme n'a pas pris en Espagne, ça n'a pas marché. L'anarchisme correspondait sûrement à l'esprit espagnol. Donc c'est un travail de longue haleine des années 1870 jusqu'en 1936, hein, je vous passe sur tous les morts qu'il y a eu parce que parce que les anarchistes ont fait des tentatives de communes à plusieurs reprises. Il y a Casas Biaras, ils ont participé à la révolution des Asturies qui a eu lieu en 1934. Et bon, dès la proclamation de la République jusqu'en 1936, ce sont des tentatives d'instaurer le communisme libertaire dans des villages. On brûle les archives. L'argent. On brûle l'argent. Plus tard l'argent. Ça, 36, je vais y venir. Et donc en 36, c'est le coup d'état des fascistes qui ne peuvent pas supporter eux, ce qu'ils appelleraient le désordre et que nous on appelle l'anarchisme ou le naissant, mais surtout la République. Donc dès la tentative de coup d'état, le peuple se lève, et notamment dans une ville comme Barcelone, c'est les syndicats qui prennent les armes, qui attaquent les casernes et qui font échec au coup d'état fasciste surtout en Catalogne, en Aragon. La moitié de l'Espagne échappe aux fascistes grâce au soulèvement du peuple et pas forcément à l'armée républicaine. Hein. Il y a des républicains, il y a des membres de l'armée qui ont soutenu la République, mais la majorité était plutôt du côté de Franco. Et aussitôt, donc il n'y avait plus de patrons, plus les patrons avaient fui les usines, donc il a fallu remettre ça en route. Et bon, ça, c'est ce qui revient souvent, c'est de l'autogestion, on n'employait pas ce terme-là à l'époque, mais bon, il a fallu les remettre en route. Et donc les usines ont été autogérées, les campagnes ont été collectivisées. Là, on a un mouvement énorme, c'est en Aragon, où presque tout l'Aragon a été collectivisé. Et ça, si vous avez vu le film Land and Freedom, on voit très bien ce qui se passe. Hein. Et surtout, tout le monde n'était pas anarchiste, mais les idées anarchistes, ça faisait des décennies qu'elles avaient imprégné les paysans, et des simples paysans avaient ça en eux. Et on le voit bien dans le film Land and Freedom, c'est bon, y a un paysan qui veut garder sa terre à lui, mais les autres ont envie de faire quelque chose de collectif. Donc l'église, elle va servir de magasin pour les provisions. Et là, il y a des exemples où de villages où l'argent a été brûlé. Donc on a récupéré l'argent des banques et on a fait des feux de joie avec. On a remplacé l'argent par des bons d'échange de travail, travail contre nourriture, en gros. Enfin, il y a plein de cas. Il y a des livres entiers sur les collectivisations. Donc ces collectivisations ont duré de 36 à 37. Mais d'un autre côté, ce qui se passait, c'est... après, il y avait la politique générale, c'est la France et l'Angleterre ont pratiqué la politique de non-intervention. Donc les Espagnols ont eu comme seul soutien un peu le Mexique et surtout l'Union soviétique, mais qui a monnayé son aide. Hein, c'est-à-dire qu'ils voulaient bien apporter des armes, mais il fallait que ça ne soit pas forcément aux anarchistes, mais à des gens qui soient de son bord. Donc le Parti communiste, qui était tout petit en 1936, a grossi. parce qu'il était finalement, c'était le parti dans le camp républicain, c'était le parti le plus à droite. Donc il a rassemblé tous les gens qui avaient peur de la révolution, parce que là on vivait vraiment une révolution. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Lydie Salvert aussi, Pas pleurer, là, qui est un très très beau livre et qui montre vraiment l'été de l'anarchie, où comment Barcelone, enfin, tout était en noir et rouge. Il y a George Orwell qui le raconte aussi dans son livre La Catalogne libre. Et là, on a vécu vraiment des moments où l'anarchisme dominait, enfin, on vivait dans une société anarchiste, avec des contradictions, parce que les anarchistes avaient le pouvoir, mais finalement, ils ne savaient pas quoi en faire. Enfin, ils ne savaient pas quoi, ils avaient un peu peur de se retrouver isolés, donc ils l'ont partagé avec les autres membres du camp républicain, et on a eu une aberration qui était d'avoir des... Enfin, une aberration pour certains, d'avoir des ministres anarchistes. La première femme ministre était anarchiste. Voilà, c'est qu'elle s'appelait Federica Monsegni, donc elle a fait des choses intéressantes au niveau... l'avortement a été libéralisé, je crois que c'est un des premiers pays où l'avortement a été libéralisé. Il y a tout un... C'est un mouvement de femmes. Alors, le mouvement de femmes s'appelait Mujeres Libres, bien sûr. Donc, c'est un mouvement... Alors, là aussi, contradiction, un mouvement anarchiste, parce que bon, les anarchistes, surtout espagnols, étaient machos. Donc, les femmes ont eu besoin de créer leur propre mouvement, qui était anarchiste, féministe, défense des droits des femmes. On arrive en mai 37 où le parti communiste prend de plus en plus d'importance, et lui ce qu'il voulait c'était gagner la guerre, mais ça ne l'intéressait pas qu'il y ait une révolution qui ne correspondait pas du tout à ce qui se faisait en Russie. Donc il y a une tentative de putsch à Barcelone, et les communistes se sont surtout attaqués à un petit parti qui s'appelait le PUM, Parti ouvrier d'unification marxiste, hein, que souvent dans la littérature on appelle trotskiste, mais en réalité c'était un parti marxiste proche des anarchistes, puisque les membres du PUM étaient souvent à la CNT. Alors la CNT, j'aurais pu quand même le dire, donc CNT, Confédération Nationale du Travail, 1,5 million de membres en 36, hein, 2 millions pendant la Révolution, ce qui est quand même énorme et montre quand même l'importance de ce mouvement. Alors bien sûr, tout le monde n'était pas anarchiste, mais les gens devaient syndiquer pour trouver du boulot. Mais ça prouve quand même l'importance que ça a eu dans ce pays, et c'est quand même une exception. Enfin, c'est quand même le pays au monde où l'anarchisme a eu une telle importance. Donc, problème dans le camp républicain, le Franco est aidé par Mussolini et Hitler. Fin de l'expérience républicaine et anarchiste. L'épisode désastreux de l'exil, la retirada, donc des milliers, voire des dizaines de milliers d'Espagnols en exil qui se retrouvent pour la plupart d'entre eux en France dans des camps maltraités. Une partie pensant qu'ils pourraient rentrer en Espagne en 1945, mais les démocraties ont soutenu Franco. C'est une autre histoire, on en parlera le 29 mars, je crois, plus en détail. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de, chez les anarchistes, beaucoup d'échanges qui ne sont pas toujours liés à un pays. C'est qu'ils bougent beaucoup parce qu'ils doivent fuir la répression. Donc, après la Commune de Paris, on avait beaucoup de révolutionnaires qui sont venus de toute l'Europe. Après la Commune, des gens comme Élisée Reclus ont dû s'exiler. Kropotkin a vécu en Grande-Bretagne. Donc tout ça fait des échanges. Souvent les anarchistes étaient polyglottes, ils écrivaient dans plusieurs langues. C'est peut-être le moment de parler de l'espéranto, qui est un mouvement qui a beaucoup plu aux anarchistes. On pourrait noter beaucoup de juifs devaient quitter la Russie à cause des pogroms, et il y avait tout un quartier de Londres qui était... où il y avait des ouvriers juifs. Et là, on a la figure de Rudolf Rocker, qui était un Allemand, et qui a défendu ses ouvriers, et qui a appris leur langue, le yiddish. Et alors, je ne sais pas si on en a aussi rare, mais il y a des journaux écrits en yiddish, le yiddish étant, vous savez, une langue en caractère hébreu, enfin, c'est un dialecte germanique écrit en caractère hébreu. Et aussi, à Lausanne, ils doivent avoir des collections de ces journaux. Comme échange intéressant, il y a eu Louise Michel et Charles Malato quand ils ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Ils ont eu des contacts avec les Kanaks qui étaient en révolte. Et là, c'est un épisode un peu triste, c'est que la plupart des communards ont participé à la répression des Kanaks, et sauf Louise Michel et Charles Malateau, qui donc il faut noter leur ouverture d'esprit sur les peuples du monde. Contact avec les Kabyles aussi. Et il y avait des Kabyles. Ouais. Des Kabyles. Ouais. Alors, bon, je disais qu'il y avait des parties du monde qui avaient échappé à l'anarchisme. Alors, depuis la chute du mur, la chute des dictatures, le développement d'Internet, l'anarchisme apparaît dans des pays où il n'y avait pas de tradition anarchiste auparavant. Et maintenant, on voit des groupes anarchistes en Indonésie, aux Philippines, au Nigeria, en Turquie, qui sont des antimilitaristes. En Arménie, au Liban, en Jordanie, depuis la chute de la dictature en Tunisie. Donc il y a des anarchistes français qui sont allés rencontrer les anarchistes tunisiens il y a un ou deux ans, en Afrique du Sud. Bon, voilà, je vous ai fait un tour, j'ai essayé d'être assez rapide pour laisser la parole à Thierry. Bon, merci, ils m'ont laissé... Voilà, bon, j'ai fini. Donc ce qui est important que vous compreniez, c'est tout ce qu'on est en train de dire, c'est comme si c'était l'histoire du passé, il n'y a pas aujourd'hui. Mais nous, par rapport au CIRA, on n'a pas le recul pour parler du mouvement aujourd'hui. Alors on va vous parler brièvement tout à l'heure des organisations anarchistes qu'il y a en France, c'est juste pour faire un panorama. Mais c'est compliqué pour nous de parler, par exemple, de ce qui est en train de se passer justement dans ces pays-là. Il a parlé de la Turquie, mais ce qui se passe l'actualité là, c'est ce qui se passe chez les Kurdes, avec Öcalan qui a changé complètement de vision, puisqu'il vient de critiquer le marxisme-léninisme, la lutte armée, et il s'oriente plutôt vers une base de municipalisme libertaire, après avoir lu un auteur américain qui s'appelle Murray Bookchin. Et là-bas en Syrie, ils sont en train de mettre en place, attention, je ne dis pas c'est le paradis, en tout cas pour eux ça l'est pas, mais ce qu'ils sont en train de vivre, ce sont des communes libres, un fonctionnement de démocratie directe que je pense, je vous propose de regarder en dehors des journaux de ce qui nous passe, aller chercher sur internet des informations, des gens qui témoignent directement, qui sont allés là-bas et qui expliquent comment ça se passe. Les femmes, il ne peut pas y avoir par exemple dans une ville, un quartier, on ne peut pas gérer ce quartier s'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes par exemple, si toutes les religions ne sont pas représentées. Donc c'est parce que il y a encore beaucoup de religions là-bas. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer donc aujourd'hui dans le monde. Et nous n'avons pas le recul nécessaire pour vous dire que en Tunisie, voilà, les anarchistes sont sortis des bois il y a pas longtemps. Ils ont repris la répression il y a pas très longtemps non plus. C'est compliqué pour eux. Ils se réunissent dans des endroits cachés. Ils sont constamment surveillés. Et voilà, ça évolue constamment, donc nous, c'est pas mort l'anarchisme, c'est pas une histoire d'hier, c'est une histoire d'aujourd'hui. Mais pour la comprendre, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est le rôle du CIRA, c'est notre rôle aussi, c'est de voir ce qui se passait hier. Et justement, moi, mon but, c'est de vous parler, alors très brièvement, comme eux, des centres d'intérêt, les centres d'intérêt des anarchistes. Dans quoi ils se sont intéressés, dans quel domaine? Il y en a plein. En tout cas, le but de mon propos n'est pas de vous dire que les anarchistes ont tout créé, ont tout inventé, ont tout trouvé, ce serait archi faux. Mais ils ont été influencés, ils ont surtout influencé de nombreux domaines, comme les domaines artistiques, ce qu'on a appelé l'environnement, qu'aujourd'hui on appelle l'écologie, les domaines organisationnels, de relations humaines, de sexualité, le féminisme, les enfants, l'éducation, tout ça, ça a été des pensées par l'observation et après des sortes de petites théories, en tout cas pratiques. Moi je vais m'intéresser surtout à si j'ai le temps, à l'art et la littérature, la sexualité et le féminisme. Je fais exprès d'en parler des deux à la fois, parce qu'on va voir quand les anarchistes sont intéressés, surtout les femmes, aux droits des femmes, elles sont d'abord intéressées à la sexualité des femmes, et de là à déboucher sur l'idée de droits des femmes. Et je parlerai aussi de quelque chose qu'on appelle nous au CIRA la vigueur éditoriale, c'est-à-dire tout ce qui touche aux journaux, aux livres, aux brochures, aux maisons d'édition, aux radios. C'est une production depuis le début de l'histoire de l'anarchisme, cette idée d'écrire, de lire et l'émancipation individuelle. Et puis si j'ai le temps, je parlerai de l'écologie, la nature, l'environnement. Juste une petite parenthèse, Bernard a parlé de William Godwin et de sa femme Volenkrauz, comme ça, féministe et lui anarchiste. Je ne le dis pas, t'as vite écouté. Ouais, et sa fille, c'était Marie, leur fille était Marie Shelley qui a écrit Frankenstein. Donc l'anarchisme ne laisse pas indifférent le milieu artistique. D'ailleurs, l'anarchisme y est à la mode dès la fin du 19e siècle. Bon, pourquoi ? Parce que la révolte, la liberté de l'individu, l'émancipation totale ainsi que celle de l'imagination sont des thèmes qui attirent de nombreux artistes. Ces derniers et les anarchistes s'entendent sur la condamnation de la société bourgeoise qui ne laisse que peu de liberté au laisser-pour-compte et qui est fondée sur l'oppression. Il ne peut y avoir d'art libre dans une société marchande. Aussi, l'art ne peut s'épanouir, les artistes ne sont libres de créer que dans une société fondée sur l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle, Bernard nous a parlé du mouvement individualiste, c'est un propos qui vient du mouvement individualiste avant tout, et on va voir que les littérateurs, les peintres sont très inspirés par le mouvement individualiste. Mais Kropotkin, en 1888, écrit dans un appel aux artistes, je cite, « Vous, poètes, peintre, sculpteur, musicien, si vous avez compris votre vraie mission et les intérêts de l'art lui-même, venez donc mettre votre plume, votre pinceau, votre burin au service de la Révolution. Les premiers à s'engager fermement aux côtés des anarchistes sont les symbolistes en littérature et les néo-impressionnistes en peinture. Mais ce mouvement général touche également des personnes qu'on va appeler hors école, comme un Oscar Wilde, par exemple. L'engagement de ces peintres et écrivains n'est pas toujours de même intensité. Ainsi, il y a une grande différence entre l'anarchisme sincère et vécu d'un Pissarro et de son fils et celui d'un dandy comme Laurent Taillade, qui, je pense, aujourd'hui n'est plus connu, d'ailleurs. En 1883, un peu avant, Élisée Reclus et Pierre Kropotkin confient le journal qu'ils avaient créé en Suisse, Le Révolté. Ils le confient à un anarchiste très connu dans le milieu, parce qu'on l'appelait le pape de la rue Mouffetard. Oui. C'est Jean Grave. Jean Grave, rue Mouffetard, c'est à Paris. Il avait, de Suisse, il est parti à Paris pour continuer le journal Le Révolté. Alors, ce journal était régulièrement croulé sous les dettes. Juste pour l'anecdote, un de ses abonnés, c'était un certain Stéphane Mallarmé. Donc la solidarité n'est pas un vain mot. Hein. Donc quand le journal était croulé sous les dettes, de nombreux compagnons et compagnes l'aident à se refaire une santé au niveau financier, et puis venaient donner un coup de main. Et dans ces personnes, on retrouve le peintre Pissarro, qui donnait à chaque fois plus de 1000 francs, et le peintre Signac. Toujours pour soutenir le journal, Jean Grave met en place des tombolas, où on peut gagner des œuvres de Bonnard, de Van Dongen, de Pissarro père et fils, Steylen, Valoton. Ces personnes-là, c'est pas une reproduction, hein, ils l'ont fait pour le journal, pour soutenir le journal. Au CIRA, d'ailleurs, on a une œuvre, alors c'est pas un peintre très connu, mais on a réussi à récupérer une de ses œuvres qui avait été mise en tombola. C'est un copain qui a le site internet, si ça vous intéresse de savoir un peu les dates. Le site internet s'appelle Éphéméride Anarchiste, et c'est grâce à lui, qui était un collectionneur fou, qui a réussi à reconnaître ce tableau. Alors une revue littéraire comme les Entretiens politiques et littéraires, qui a été fondée en 1891, devient de plus en plus une revue intellectuelle anarchiste. On y retrouve même des formules chimiques pour la composition de la dynamite. Alors il y a une autre revue, on est en plein dans les attentats aussi, c'est ça aussi qui passionne un peu les artistes. Hein. Une autre revue fondée en 1889 qui s'appelle L'En dehors de Zodaxa, et qui lui-même est un en dehors. On ne va pas dire individualiste, il refusait toute étiquette. Il est mort à Marseille de sa douce mort. C'est le seul. Il donnera la plume à... Alors cette revue va donner la plume à toute une foison d'écrivains qui sont encore connus, qui sont plus connus. Alors Octave Mirbeau, Saint-Paul Roux et Varaeren, qui sont des poètes. Barucco, Tristan Bernard, Georges Darien, Lucien Descaves, Paul Adam, Henri de Régnier vont écrire dans cette revue qui est clairement anarchiste. Cependant, la revue qui va permettre d'établir des solides liens entre les militants anarchistes et les artistes, j'ai dû dire une bêtise, et le supplément littéraire de La Révolte, qui faisait suite du Révolté de Jean Grave, si vous suivez. Ils sont reproduits chaque semaine des textes d'auteurs contemporains et de jeunes écrivains qui accordent tous leur autorisation de diffuser leurs textes. Une alliance alors se noue entre ces deux milieux, littérateurs et anarchistes. Dans des revues artistiques, on va même voir d'avant-garde, on va voir des points de vue sont échangés sur des thèmes tels que le rôle révolutionnaire de l'artiste ou les finalités sociales de l'art. Ça, c'est un échange qui va, et encore aujourd'hui d'ailleurs, qui va être tout le temps discuté dans le mouvement anarchiste. Est-ce que l'art doit servir à la révolution ou est-ce qu'on doit laisser l'artiste libre et que dans toutes les manières, la façon dont il va s'exprimer servira aussi l'idéal. Je vous laisse... Pensez ce que vous voulez. Des écrivains de renom ne cachent plus, toujours fin du 19e siècle, leur sympathie libertaire. Pierre Quillard, Rémy de Goncourt, Alfred Villette. Dans des journaux d'art, on parle des journaux anarchistes, on parle des livres qui ont été sortis par des compagnons, surtout des compagnons, pas beaucoup de compagnes à cette époque-là, on va voir ça juste après d'ailleurs. Ce rapprochement pourtant est de courte durée, pour la plupart des artistes qui vont tourner le dos à l'anarchisme, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il a influencé ces deux milieux. D'après Gaetano Manfredonia, dont tu as parlé, qui a écrit une énorme thèse comme ça, qui n'a toujours pas été éditée malheureusement, sur l'histoire du mouvement individualiste, d'après lui, cette alliance se fait sur un malentendu réciproque. Pour les artistes notamment, il s'agit d'exalter un anarchisme héroïque et esthétique. Or, quand arrivent les manifestations d'anarchisme réel, qu'on appelle l'anarchisme social, c'est-à-dire l'entrée dans les syndicats, ou quand il y a une propagande par le fait, alors pas Ravachol. Ravachol, il est idéalisé. Ravachol, c'est je ne sais plus, il y avait un auteur qui avait écrit, je crois que c'est Ravachol, un nouveau saint est né, quelque chose comme ça. Ravachol, il a été vraiment... les artistes se sont sentis emportés par ses actions. Contrairement à Émile Henry, qui lui a, je pourrais qualifier, et là c'est personnel, gratuitement mis une bombe dans un bar à Paris en tuant je ne sais pas combien de personnes. Et, ou Vaillant, qui lui a mis une bombe l'Assemblée nationale en blessant personne. En blessant du monde, mais en tuant personne. Lui. Et c'est ça, ouais. Marmite à clous. Okay. Bah, lui, il a fini guillotiné. Donc, Ravachol aussi, alors que dans ses actions de bombe qu'il avait posées, il n'a jamais tué personne. Mais ça, c'est autre chose, c'est une autre discussion. Donc, c'est quand là, l'anarchisme n'est plus cette action héroïque et esthétique, comme j'ai dit tout à l'heure, que les artistes, en tout cas les écrivains, vont s'en... Et ben, ils vont même jusqu'à nier leur engagement ou le minimiser. Alors évidemment, vous pouvez vous en douter, ils vont être sévèrement dénoncés par les compagnons qui vont dénoncer sévèrement ces retournements de veste. En ce qui concerne les peintres et les dessinateurs néo-impressionnistes, eux ne vont pas tourner le dos. Des Pissarro et père et fils vont continuer à soutenir et même à essayer de vivre en anarchiste. En règle générale, l'anarchisme influe de nombreux courants artistiques comme le dadaïsme, le mail art. Alors, c'est un art à travers la correspondance qui est apparu dans les années 1990. Le street art d'aujourd'hui, si on s'intéresse à cet art... alors, c'est sûr, quand on voit des tags dans la rue, on se dit, ouais, on aime, on n'aime pas. Et c'est très intéressant de voir des gens comme Banksy, de voir ce qu'ils disent sur cet art, ce qu'ils dénoncent à travers la ville qui n'a pas d'animation, la ville morte. Donc, ils sont vraiment influencés par les idées anarchistes. Et certains se réclament de ce courant-là. Il y a le Living Theater aux États-Unis, qui est explicitement en relation directe avec les idées anarchistes. L'anarchisme est aussi présent dans le surréalisme. Les surréalistes défendent le partage des tâches entre l'anarchisme et le surréalisme. Le premier exprime la liberté totale de l'individu sur le plan social et politique, et le deuxième, le surréalisme, sur le plan artistique. André Breton va même jusqu'à écrire en 1952, je cite, « Les surréalistes ont vécu alors sur la conviction que la révolution sociale étendue à tous les pays ne pouvait manquer de promouvoir un monde libertaire. » Et il rajoute « D'aucuns disent un monde surréaliste, mais c'est le même. » Il est important aussi de noter que de nombreux groupes de musique ou chanteurs, chanteuses, se réclament de l'anarchisme ou sont proches de ces idées. Alors, je suis obligé de parler de Georges Brassens, qui lui-même a été militant à la Fédération anarchiste à la sortie de la guerre, qui a vendu le journal Le Libertaire de la Fédération anarchiste, qui a écrit dedans, soit avec des pseudonymes comme Géo Cédille, et qui était même correcteur du Libertaire. Bon, il s'est fâché, il est parti. Mais bon, après, c'était un individualiste pur, quoi. Il n'en est pas mort. Et il n'en est pas mort. C'est vrai. Il y a Léo Ferré aussi, alors qui n'a été dans aucune organisation, qui est vraiment, par rapport à un Georges Brassens, qui est plus le alors, je ne veux pas dire que Brassens n'est pas un poète, je ne voudrais pas me faire lyncher, mais qui est plus poète, voilà. Et alors, lui, il n'a pas été... non, mais voilà. Où vont tes préférences, quand même. Ouais, voilà. Là, je m'enfonce. Et donc... il n'a pas été dans aucune organisation, mais pendant près de 20 ans, il donnait des concerts de soutien à la Fédération anarchiste, à la Mutualité à Paris. Et on peut parler aussi de Paco Ibáñez. Et puis alors, la musique dite de jeunes. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'écoute encore ça et je ne suis pas jeune. des groupes punk, de certains groupes de ce qu'on appelle du hard rock, metal, du hardcore. Donc là, je fais exprès, hein. Georges Brassens, Léo Ferré, ça fait bailler les jeunes d'aujourd'hui. Si on leur parle de punk, hardcore, metal, ils sont plus intéressés. Et du ska aussi, pour ceux qui connaissent ce genre de musique dérivée du reggae. On le retrouve un peu partout. Alors attention, hein, entre ceux qui se disent anarchistes, comme les Sex Pistols, parce que c'est on casse tout, on va tout péter. Moi, j'aime bien les Sex Pistols, mais c'est pas une histoire de goût, hein. C'est attention à. Voilà, aucun de nous ne sait mettre une étiquette anarchiste à un tel, c'est pas notre rôle. Mais par contre, je me reconnais pas dans cet anarchisme-là, par exemple. Le No Future, moi, je vois pas. Et alors, aujourd'hui, l'art est toujours un des centres d'intérêt des anarchistes. Et si des artistes ne se réclament pas anarchistes, peu importe. Leur œuvre, leur folie, leur création scandaleuse pour la morale poussent ces individus à vouloir s'affranchir de leur chaîne et renforcent indirectement l'idéal anarchiste, en fait. Si j'ai encore un peu de temps... Alors, je voulais parler de la sexualité féminisme. Peut-être que je... Alors, la plupart des premiers anarchistes connus, par leurs écrits, défendent l'égalité des sexes. Sauf Proudhon. La femme, pour Proudhon, est le vecteur, le média de l'homme qui pense. La femme est à la cuisine. C'est clair, hein, il écrit dans Pornocratie... non. Si, c'est le titre. Mais si, c'est le titre de son œuvre. Si, si. Un livre comme ça où il explique que la femme est vraiment... Un gros livre. On l'a aussi, si vous voulez le lire. En édition originale. Et en fait, Déjac va réagir violemment contre Proudhon. Bernard en a parlé tout à l'heure. Bakounine, lui, s'élève contre le patriarcat. Pour lui, hommes et femmes doivent être égaux socialement afin que celles-ci puissent s'émanciper et devenir libres de choisir leur vie. Louise Michel, dans ses mémoires, écrit son désaccord quant à la différence de traitement entre deux personnes suivant leur couleur de peau ou leur sexe. On a vu d'ailleurs pourquoi, on comprend mieux pourquoi elle soutient les Kabyles et les Kanaks. Elle s'élève également contre la prostitution. Alors vous allez voir, c'est un leitmotiv. Et écrira, je cite, « Esclave et le prolétaire, esclave entre tous et la femme du prolétaire. » Voltairine de Clare, une militante anarchiste aux USA, elle condamne dans ses écrits les clichés sur les femmes et ce qu'ils impliquent sur l'éducation des enfants. Tout ça, c'est la fin du 19e siècle. Hein. Une femme, donc les clichés, hein, c'est pas ce qu'elle dit, une femme doit être belle suivant des codes très stricts. Les enfants ne reçoivent pas la même éducation suivant qu'ils sont filles ou garçons. Un sujet brûlant d'actualité, surtout au niveau de Noël. Elle y condamne aussi le mariage, pareil, un leitmotiv que du mouvement anarchiste, qui n'est autre pour elle, comme pour beaucoup d'anarchistes, qu'une sorte de prostitution, une caution légale de l'assujettissement des femmes. Je cite, « Chaque femme mariée est une esclave qui prend le nom de son maître, le pain de son maître, les ordres de son maître, et sert ses passions. Toute sa vie, elle va combattre le système de la domination masculine. Elle dira, je cite encore, parce que je ne parle pas... c'est dans le texte. La question sexuelle est plus importante pour nous que n'importe quel autre combat, à cause de l'interdit qui pèse sur nous, de ses conséquences immédiates sur notre vie quotidienne, du mystère incroyable de la sexualité et des terribles conséquences de notre ignorance à ce sujet. » Heureusement, quelque part, qu'il y a eu mai 68. Ça, c'est pas elle qui le dit. Ça, c'est moi. En 1896, pareil en Argentine, alors je parle pas espagnol, La Voz de la Mujer. C'est ça? Pas mal. La Rota, ouais. Première publication anarcha-féministe au monde dont l'épigraphe est, on ne peut pas être plus clair, ni Dios, ni patronne, ni marido. C'est le premier journal féministe et révolutionnaire au sein de la classe ouvrière. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis anarchiste, hein, c'est vraiment les faits, c'est historique. Il appelle les femmes... Non, mais parce qu'on peut dire... c'est ça. Il appelle les femmes à se rebeller contre l'oppression masculine, mais sans abandonner, et ça, j'estime que c'est très important, la lutte prolétarienne. L'institution du mariage est l'une de ses cibles principales, encore, et ce journal considère les femmes comme le maillon le plus opprimé de la chaîne de l'exploitation. Il défend l'idée de l'amour libre du point de vue de l'autonomie personnelle. Alors, l'amour libre, c'est quelque chose qui est qui a été pratiqué et théorisé par des anarchistes. Et on le retrouve aux États-Unis. C'est même un courant majeur de l'anarchisme individualiste aux États-Unis. Ce mouvement se conjugue d'ailleurs avec la lutte pour le droit des femmes. Alors, il y a beaucoup de journaux qui vont sortir autour de l'amour libre, et notamment Lucifer, The Lightbearer, le porteur de lumière. Alors, ce journal rejette la monogamie patriarcale et la famille nucléaire et appelle de fait à une autonomie sexuelle pour les femmes et le contrôle des naissances. À New York, dans le Greenwich Village, des féministes défendent l'autoréalisation et le plaisir, ici et maintenant, pour les femmes et pour les hommes, hein, tout en militant contre la Première Guerre mondiale. Elles encouragent le fait de jouer avec les rôles sexuels conventionnels et la sexualité. Parmi les militantes connues de ce mouvement, il y a Edna Saint-Vincent Milley, qui est ouvertement bisexuelle, Margaret Anderson, qui est lesbienne, ouvertement aussi, et anarchiste, et aussi Emma Goldman. Alors celle-ci, qui est allée jusqu'en, enfin, elle était très âgée en 1936, elle est allée sur le front en Aragon. Celle-ci milite résolument et énergiquement pour les droits individuels, en particulier pour ceux qui en sont privés. Elle prend la défense de l'amour homosexuel devant le grand public. Elle formule une critique radicale des relations hommes-femmes et met en évidence la persistance de, je cite, « l'instinct de propriété du mâle », même parmi les révolutionnaires. Elle s'oppose aux conceptions traditionnelles de la famille, de l'éducation, des rapports de genre et s'attaque à l'institution du mariage, elle aussi. En France, maintenant, les journaux qui vont s'occuper le plus de l'amour libre, c'est des journaux individualistes comme L'En Dehors et L'Idée Libre. Alors chez les individualistes, ce sont surtout les femmes qui diffusent des méthodes de contraception, c'est interdit, hein, qui refusent la monogamie, qui expérimentent la vie en communauté et l'amour libre. Elles rejettent la révolution ou l'insurrection, car elles pensent que l'émancipation collective ne peut se faire sans l'émancipation individuelle. Et en cela, les hommes individualistes pensent la même chose. Cependant, dans le mouvement anarchiste, si l'amour libre et les discussions sur la sexualité ont la sympathie des uns, ils suscitent un rejet profond chez d'autres. Donc là aussi, dans le mouvement anarchiste, cette question de la sexualité, cette question du droit des femmes, il n'est pas tranché. Tout n'est pas rose. Hein. J'ai pas dit ça pour les femmes. Faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est pas trop bleu non plus, remarque. Ouais. Avant la Première Guerre mondiale et entre les deux guerres, l'individualiste le plus actif partisan de l'amour libre, c'est E. Armand. Bon, si ça vous intéresse, on pourra vous dire pourquoi encore aujourd'hui on pense que c'est Émile. Déjà en 1924, le pauvre, on l'appelait Émile. Son vrai nom, c'est Ernest Juin. Alors, enfin, il vaut mieux l'appeler Émile, du coup. Alors, lui défend le naturisme, le polyamour et invente la notion de camaraderie amoureuse. Il prend position pour l'homosexualité, la bisexualité et même la possibilité de changer de sexe. Un autre individu qui, lui, est communiste anarchiste, dont tu as parlé, Malatesta, il ne va pas parler directement de sexualité, mais il appelle, je cite, « à éliminer l'oppression de l'homme sur l'homme, combattre la prétention brutale du mâle de se croire le maître de la femme, combattre les préjugés religieux, sociaux et sexuels. » L'anarcha-féminisme, ça allie le féminisme et l'anarchisme, ça se différencie d'autres courants féministes. Il considère la domination des hommes sur les femmes comme l'une des premières manifestations de la hiérarchie dans nos sociétés. La lutte de classe, la lutte contre l'État ne peuvent se faire sans la lutte contre le patriarcat. Parmi les figures phares de cette lutte se trouve en premier lieu, on la retrouve, Emma Goldman, dont nous avons déjà parlé. Pour elle, par exemple, lutter pour le droit des femmes à voter ou avoir les mêmes droits civiques que les hommes n'est pas suffisant. Elle ne les écarte pas, elle estime que c'est un progrès, mais elle dénonce celles qui se limitent à ce combat. Elle dit « L'émancipation réelle des femmes ne commence pas plus à l'urne qu'à la barre, de justice. » Il faut aussi parler des Mujeres Libres, on en a un peu parlé, elles sont fondées en Espagne en avril 1936, c'est une vraie organisation dans l'organisation, elle est prolétaire et féministe, elle veut mettre fin au triple esclavage des femmes, l'ignorance, le capital et les hommes. Ces femmes sont organisées pour se battre sur deux fronts, elles vont se battre sur deux fronts dès juillet 1936, la libération des femmes et la révolution sociale. Elle s'oppose au sexisme au sein même du mouvement anarchiste espagnol. Elle lutte contre la prostitution et dénonce vertement leurs camarades qui fréquentent les maisons de passe. Et même, il y avait même des anarchistes sur les fronts en Aragon ou quoi qui avaient leur petit bordel derrière. Voilà, sans commentaire. Aujourd'hui, la lutte contre le sexisme, contre le patriarcat, n'est évidemment pas abandonnée. Il fait partie non seulement d'une lutte à la dimension de la société, mais aussi d'une lutte individuelle. Contrairement à ce qui est clamé un peu partout, nous sommes toujours dans une société patriarcale, où lutter pour l'égalité sociale entre tous les individus, quel que soit leur sexe, genre ou couleur de peau, ne se résume pas à des droits nouveaux ou des femmes au pouvoir. Mais malheureusement, le réformisme est plus simple à mettre en place et moins dangereux pour ceux et celles, je dis bien ceux et celles, qui ont le pouvoir et que de faire une révolution des pensées, une révolution sociale. Si j'ai le temps, ouais, je prends le temps. Ouais, sur la vigueur éditoriale, je ferai pas sur la nature et tout ça. C'est intéressant et tout ça, la nature, mais bon. Alors, la vigueur éditoriale, les livres, les brochures et les journaux. Alors, si l'anarchisme n'est pas une théorie que les individus doivent appliquer à la lettre, c'est parce que les. Oui, parce que les livres, les théories, entre guillemets, du coup, ont été écrits suite à l'observation du mouvement ouvrier ou paysan. Mais ça n'a pas empêché les anarchistes d'écrire. Le but est toujours le même, l'émancipation des individus. Le courant qu'on appelle éducationniste, dont Bernard a parlé tout à l'heure, c'est le courant qui développe le plus ce côté de la propagande. Mais chez les syndicalistes, cela se retrouve aussi de façon systématique dès le commencement de la CGT unie aux bourses du travail. Ainsi, pour les anarchistes, écrire des livres, lire, organiser des lieux où on trouve des livres, fait partie de la lutte pour l'autonomie individuelle. Alors le plus simple, car le moins cher à faire et à acheter, ce sont les brochures. Au CIRA, on en a à peu près 5000, qui parcourent l'histoire de fin 19e jusqu'à encore aujourd'hui. Ça produit tout le temps. Une brochure, c'est 4 pages au moins, et ça peut aller jusqu'à une vingtaine de pages. C'est fait pour être lu rapidement, et surtout, c'est fait pour être passé. Par exemple, au CIRA, on a des brochures des années 20, où il y a un tampon dessus, c'est « lit et fait passer ». Cette idée-là, ça peut se passer sous le manteau, c'est moins gros qu'un livre, ça s'abîme, on s'en fiche, voilà. Ces brochures ont un autre avantage, c'est qu'elles sont faciles à lire, pas parce que le propos est simple ou il n'est pas profond, c'est juste parce qu'elles sont courtes. Donc on peut en lire plusieurs et voir s'intéresser au livre après. Les bibliothèques, je voulais en parler aussi, puisque quand même le CIRA, c'est certes un centre d'archives, mais c'est surtout une bibliothèque avec combien de livres ? 7000. 7000 à peu près, livres en français, italien, espagnol, essentiellement. Alors, lorsqu'une bourse de travail se crée, très vite se monte une bibliothèque. Pour Peloutier, Fernand Peloutier, le chef d'orchestre de la mise en place des bourses du travail, qui mourra avant de voir son œuvre créée, il est mort de sa belle mort, enfin d'une maladie, lui. Ah, c'est Dieu, voilà, si vous voulez. Alors, grâce aux livres de bibliothèque, les ouvriers peuvent acquérir ce qu'il appelle la science de leur malheur. En 1910-1911, sur 141 bourses recensées, 131 possède une bibliothèque d'après le travail de David Rapp, quelqu'un qui a écrit sur les bourses du travail de Lyon. Sur la bourse du travail de Lyon. Alors, ces bibliothèques répondent à trois objectifs: distraire, instruire et former professionnellement. On y trouve des livres juridiques, professionnels, des livres d'art, d'histoire, d'économie, des romans et des ouvrages de propagande socialiste et anarchiste. Encore aujourd'hui, quand un squat s'ouvre, quand un groupe trouve un local, qu'est-ce qu'il fait ? Un de ses premiers buts, c'est de faire une bibliothèque. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la création du CIRA. C'est, comme je disais, non seulement pour garder la mémoire, mais aussi pour en accès libre, pour qu'il y ait en accès libre des livres. Les journaux, parce que évidemment, s'il y a les brochures, il y a les livres, il y a les journaux. Quand un groupe ou une organisation se crée, prend naissance, il est vite question de créer un journal. Celui-ci est l'outil par excellence pour diffuser l'idéal, pour informer sur la vie des groupes, pour permettre la communication entre individus et entre groupes. Entre 1880 et 1983, René Bianco a recensé 28 000 numéros publiés, il en a oublié, hein, parce qu'il n'avait pas accès à tous les journaux, qui se répartissent dans 1530 titres en 100 ans. Dans les années 80, alors là, c'est le pic, parce qu'il y a ce qu'on a appelé les fanzines, donc on avait accès à des outils de reproduction plus facilement que ceux qui ont connu où il faut tourner, là. Donc, ça s'appelle les photocopieuses. Non, mais dans les années 80, la Ronéo, oui, je sais quand même. Enfin. Et alors là, au CIRA, nous, on n'en sort plus parce que dans les années 80. Plus de Ronéo. Ouais, enfin, il y avait les photocopieuses, c'est l'ennemi du CIRA parce que alors là, vous avez des revues, on ne sait plus comment les classer tellement il y en a, et puis ils changent de titre parce que c'est plus rigolo. C'est... Voilà. Alors aujourd'hui en France, il y a comme journaux que vous pouvez trouver. Dans les kiosques, il y en a deux. Il y en avait trois, quatre, il n'y en a plus que deux, grâce à Prestalis. Et on réforme aussi en cours sur la presse dans les kiosques. Mmh. Il y a Le Monde Libertaire et Alternative Libertaire. Vous pouvez trouver sur abonnement Courant Alternatif et Le Combat Syndicaliste, que pas, je ne vais pas appeler ça, c'est pas anarchiste, syndicaliste révolutionnaire, mais ça fait partie de l'histoire, et donc de la CNT. Et il existe toute une myriade de journaux aussi, qui sont uniquement accessibles par abonnement. Je ne vous parle pas des maisons d'édition anarchistes, libertaires, il y en a, je dirais 20, je m'en tirerai parce qu'il y en a beaucoup plus, qui ont une durée de vie suivant l'argent qu'ils ont, mais qui produisent énormément de livres et qui reproduisent aussi des livres. Et je finirai sur les radios. Alors dans les radios, en fait la radio, dans une multitude de radios, vous avez des radios avec des émissions clairement anarchistes. Mais la radio libertaire, c'est Radio Libertaire, ils sont vachement inspirés là. Elle a été fondée en 1981. Elle a failli être fermée sous Mitterrand, il y a eu des manifestations monstres à Paris pour qu'elle puisse rester ouverte, et elle existe toujours. Et maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être parisien pour pouvoir l'écouter, puisqu'il suffit d'aller sur Internet et pour pouvoir l'écouter sur, directement ce qu'on appelle en streaming. Et télécharger. Et en télécharger ce qu'on appelle les podcasts. Ouais, bon, après, mais il y a plein de points, je ne peux pas... On a beaucoup parlé, et puis on va... Donc pour conclure, on va faire le dernier chapitre très vite. Ouais. Thierry va dire deux mots sur les orgas, et moi je dis sur les... On vous donne la parole tout de suite. Ouais. Voilà. Est-ce que on dispose de combien de temps encore? Pour le débat. Une vingtaine de minutes. Alors s'il y a des questions, on va. Oui, bien sûr. Non. Alors c'est les personnes qui s'en vont. Il y a une petite brochure, les renseignements sur le CIRA qui sont à la sortie. Servez-vous. J'avais plusieurs questions, mais vous parlez beaucoup trop. Et surtout, je vous ferai un reproche. Ça, c'est pénible à écouter lorsque quelqu'un lit. Comment ? J'ai eu l'occasion, durant ces dernières années, de rencontrer des membres des Black Blocs, à la fois en France et dans d'autres pays européens. Nombre d'entre eux se réclament de l'anarchisme, mais quand on les interroge, on se rend vite compte qu'ils n'ont aucune culture anarchiste. Cependant, leurs initiatives sont très intéressantes. Ils sont sur tous les fronts qui sont ouverts, surtout sur le plan environnemental et écologique. Ils ont une stratégie qui est souple, c'est-à-dire absence d'organisation rigide, mais mobilité extrêmement importante, grâce notamment aux moyens de communication actuels. Ils peuvent donc se rendre très rapidement sur différents lieux et différents fronts dans toute l'Europe, pratiquement. Mais sur ce plan de l'idéologie, où est-ce qu'on peut les classer? Dans quel de ces trois courants peut-on les classer? Peut-on les classer ou peut-on les qualifier d'anarchistes? J'aimerais pas trop qu'on cherche à les classer si on demandait dans quelle case les mettre. Eux, ils se situent plutôt dans le courant, ce qu'on appelle l'insurrectionnalisme, qui est revenu... en Italie, il y a quelques années, qui parcourt un peu la France actuellement. Après, je dirais qu'il y a plusieurs sortes de black blocs. Il y a aussi des excuses. C'est pas un jugement de valeur de ma part. Il y a aussi des excuses pour aller casser des vitrines. Je parle pas de casseurs exprès, parce que ça c'est le terme qu'on va utiliser contre eux. Et c'est difficile de comprendre leur action et leur motivation parce qu'ils refusent donc de s'exprimer à travers d'autres médias. Et par exemple, ce qui s'est passé à Genova, en Italie, c'est quelque chose de très intéressant ce qui s'est passé avec les Black Blocs, dont on a tous cette vision de ceux qui vont péter des banques. Parce que ce qui casse, c'est quelque chose de précis. C'est des banques, parce que c'est les banques. Et d'ailleurs, c'est Brecht qui disait qu'y a-t-il de plus moral, immoral, casser une banque ou en créer une, et des agences immobilières, par exemple. Et en fait, à Gênes, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu plusieurs courants de black bloc comme ça, d'ailleurs, qui se sont disputés entre eux parce qu'ils n'avaient pas les mêmes positions. Certains voulaient casser des petits commerçants, et ils leur expliquaient non, c'est pas eux nos principaux ennemis. Et quand ils allaient piller, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, des grands commerces. Tout ce qu'ils récupéraient, c'était pas pour eux, que pour eux. En fait, ils avaient mis ça tout le long de la route, et ils allaient voir les manifestations dits pacifistes, puisqu'il faut toujours opposer, et en leur disant vous pouvez vous servir, puisqu'il faisait chaud, parce qu'il y avait les gaz lacrymo, parce que c'était dur, et donc ils leur disaient c'est fait, on l'a pris pour vous, c'est une redistribution. Et à côté de ça, on va avoir d'autres qui vont profiter d'une grosse manifestation dite pacifiste, je sais pas trop ce que ça veut dire, non violente, on va dire plutôt. Et qui vont profiter de cette manifestation non violente pour faire des actions violentes, se répartir, parce qu'ils sont une vingtaine, se répartir, s'enfuir, et ceux qui prennent les coups, c'est ceux qui n'ont pas décidé de cette stratégie. Et ça, aux États-Unis, on a vu. Alors ça, c'est une dénonciation que moi je fais de ce courant-là. Et aux États-Unis, on a vu d'autres trucs. C'est de se mettre d'accord, les non-violents et les violents. Et les violents, de dire aux non-violents, ben, nous, on va attaquer la police. Et pendant qu'on attaque la police, vous aurez champ libre pour aller empêcher je ne sais plus ce que c'était qui se déroulait, un grand truc. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont affronté. On respectait nos tactiques. Et ils ont affronté la police violemment. Et les autres ont pu empêcher un grand congrès, un grand truc de se faire. Après, j'ai rencontré des gens de Black Bloc qui étaient plutôt marxistes-léninistes. Bon. Donc c'est très difficile de dire qui ils sont. Puis ça peut être vraiment n'importe qui, quoi. Et comme c'est pas organisé du début à la fin, mais par contre, ils ont des moyens de repère entre eux pour savoir ce qu'il faut faire à tel moment, parce qu'ils sont quand même assez surveillés, on va dire. Donc moi, je mettrais ça dans les courants anarchistes. Et ils se définissent insurrectionnalistes. Voilà. Ce que tu cites comme exemple aux États-Unis n'est pas une nouveauté. C'était une stratégie de la Zengakorai au Japon dans les années 70. Donc c'est une pratique qui a déjà plusieurs décennies. Ouais. Excuse-moi, je peux faire une remarque très très... c'est deux fois a été utilisé le mot « marnochina ». Est-ce que vous savez que c'est très péjoratif? Donc, non, mais on peut apprendre, il n'y a pas de souci. Qui dit que c'est péjoratif? En russe, le substantif china a une connotation péjorative pour tous les substantifs. Donc c'est l'armée libre de insurrectionnelle d'Ukraine. D'accord, c'est plus court. C'est, ça m'étonne parce qu'eux l'employaient ce terme-là dans leur littérature, il me semble. C'est pas sûr, non, hein. Non. Ah, les grandes purges, il y a la Yezhovchina aussi. D'accord. Et quand Yezhov a été éliminé. Mais on parle aussi, c'est la geste, la légende, mais la légende d'un genre péjoratif. D'accord. Ouais, en français, on dit mouvement macnoviste. Mais c'est comme communard. Communard, c'est clairement péjoratif. Eux, ils s'appelaient entre eux les communeux, pas les communards. Justement, moi, j'avais une question qui avait un trait à un terme qui a été d'avoir péjoratif. C'est le terme d'anarcho-syndicaliste. Ah oui. Vous avez bien expliqué que dans le syndicalisme révolutionnaire de la CGT de l'avant 14, les anarchistes étaient dominants. Et ce terme d'anarcho-syndicaliste, il vient d'abord des adversaires des anarchistes dans les syndicats. Je voulais savoir comment, après le mouvement anarchiste, s'était emparé de ce mot et comment il l'avait assumé. Et ma deuxième question, vous avez évoqué la Grande Guerre avec les différences entre compagnons, avec le manifeste des 16 qui soutiennent l'Union sacrée et la majorité des anarchistes qui sont pacifistes. Est-ce qu'on peut faire la même remarque sur un phénomène comme la résistance? Quelle a été finalement la position des anarchistes? J'imagine qu'elle a été aussi multiple. Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. La résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Okay. Je ne suis pas pour anarcho que vous savez. J'ai l'impression, je pourrais pas très. J'ai l'impression que c'est plus une réaction comme. Individuelle. Non, mais pour dire, vous nous appelez comme ça, on va s'appeler comme ça. Voilà, parce qu'il s'appelait effectivement syndicaliste révolutionnaire, c'est l'anarcho-syndicaliste, comme tu dis, il vient d'une critique des anarchistes qui voudraient prendre le syndicat à la place des guédistes, par exemple. C'est les guédistes. Voilà, c'était les guédistes quand même, qu'on n'a pas dit, c'est les guédistes parmi les premiers qui avaient ce qu'on n'appelait pas encore ça les syndicats. Et je pense que c'est plus. Moi, il me semble que c'est plus une réaction pour dire, puisque vous nous appelez comme ça, on va s'appeler comme ça. Mais encore aujourd'hui, c'est pas tranché. Il y a des gens qui vont être à la CNT, vont se dire syndicaliste révolutionnaire, d'en dire non, moi je suis anarcho-syndicaliste. Bon, dans ces cas-là, moi je m'en vais parce que ça devient impénible. Mais puis d'autres se disent je suis anarcho-syndicaliste, syndicaliste révolutionnaire, donc ils font la synthèse. Mais c'est vrai que je sais pas, historiquement parlant, on va dire, comment vient le. Pour la Seconde Guerre mondiale, là, il y a autant d'attitudes que d'anarchistes. Hein. Voilà. Alors, il y en a qui ont été attentistes, attendant que la guerre soit finie. Il y avait des pacifistes. Hein. Giono, qui avait des sympathies libertaires, était quand même signé un appel à la paix au début, et puis s'est retrouvé en tôle. Après, il y en a qui ont été accusés. Le coin, il y en a qui ont été accusés de collaboration parce qu'ils ont participé à des journaux qui étaient du côté de Pétain. Giono encore, il a eu des ennuis à la Libération. Il y en a eu quelques autres anarchistes connus. Bon, il n'y en a aucun, je pense, qui est rentré à la Gestapo, qui a torturé, mais je ne pense pas. Et après, on a quelques résistants. Alors, notamment, on a une figure ici, c'est André Haru, qui a reconstitué le mouvement Anar dans la clandestinité. et qui a... Enfin, il n'a pas participé à la lutte armée, mais il a aidé des gens à se cacher, à fuir. Il faisait des faux papiers. Et puis là, je viens de... Alors, il y a eu à France Culture, il y a 2 ou 3 jours, une émission sur un certain Mario Marais. Alors, Mario Marais, c'est un gars qui était anarchiste et qui, au moment de la guerre, eh ben, il est parti en Algérie. Il était très doué en télécommunication, en radio. Et il a travaillé pour les services secrets américains. Il a été parachuté en France et fait prisonnier. Et torturé, il a échappé à la mort parce que c'était la fin de la guerre et il a été échangé. Enfin, il y a les officiers allemands qui le gardaient ont demandé l'impunité. Il a pu échapper à la mort comme ça, quoi. Et c'est un type qui a fini psychanalyste à Aix-en-Provence dans les années 80. C'est un type complètement méconnu. Enfin, il était anarchiste dans sa jeunesse. Après, il est passé plutôt proche du PC. Et puis on a des cas comme ça de chacun réagit différemment. Il y a la troisième voie aussi. Les internationalistes de la troisième voie. Il n'y a pas vraiment. Bon, c'était des sortes de résistants aussi parce qu'ils étaient dans la clandestinité. Ce que je voulais dire, qui n'était pas la résistance. Au CIRA, juste René Bianco, il a réussi à choper pas mal d'anarchistes à leur demander qu'est-ce que vous avez fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au CIRA, on a donc ces interviews qui a été fait comment on appelle ça, en bulletin. Et c'est très intéressant. Ce qui ressort, ils sont nombreux à avoir participé soit à des réseaux, soit tout seul, comme André Haru, qui s'est fait dénoncer d'ailleurs malheureusement par des gens pour qui il avait fait des faux papiers. Et en fait, tous ils disent, bah alors René Bianco leur dit, mais pourquoi on parle pas de vous? Pourquoi vous êtes pas allé chercher les récompenses? Pourquoi vous avez... Il fait, mais pourquoi? Enfin, c'est normal. On n'a pas fait ça pour la gloire. Je pense qu'aucun n'a fait ça pour la gloire, hein, je ne dis pas ça. Mais il n'y a rien à retirer de gloire après. Pour nous, c'était quelque chose de normal à faire. Et donc, on reste dans notre vie, on n'a pas besoin de... Et c'est pour ça que le mouvement anarchiste aussi, qui n'était pas structuré, qui a été complètement déstructuré à la guerre, on ne parle pas de le mouvement anarchiste résistant. Alors, juste pour finir sur la guerre, parce qu'il y a quand même un épisode intéressant, c'est les anarchistes espagnols. Certains se sont retrouvés en Afrique du Nord, sont rentrés dans la deuxième DB, et c'est les premiers qui sont rentrés à Paris. Il y avait une division qui s'appelait la Nueve, et il y avait des chars avec des inscriptions en espagnol dessus, et dans cette Nueve, il y avait des anarchistes. Et j'allais dire, après, les noms espagnols sur les tags avaient été effacés. Oui. Exactement. Je voudrais savoir si la jeunesse d'aujourd'hui, elle est réceptive aux idées anarchistes. Je voudrais savoir si ceux qui occupaient Wall Street et ceux les Pomedos sont influencés par les mouvements anarchistes. Et je voudrais savoir si le puissant mouvement anarchiste de 36 qui avait en Espagne, ceux qui restent aujourd'hui, voilà, et si le mouvement anarchiste a un rôle à jouer face à ce marasme du capitalisme d'aujourd'hui. Quoi. Voilà, si on reste toujours sur la guerre, là, sur 40. Quoi. Moi, j'ai deux, trois trucs à dire. C'est que, bon, alors, il y a beaucoup de gens qui ont des pratiques libertaires, mais qui n'ont pas l'étiquette anarchiste. Le mouvement Occupy Wall Street avait vraiment. Voilà, vous avez compris au débat, ce qui est important, c'est l'auto-organisation. C'est l'autogestion, ce n'est pas un parti qui décide pour les gens, c'est les gens eux-mêmes qui s'organisent. Et c'est ça les principes de l'anarchisme. Donc là, des exemples de pratiques comme ça, on en a plein. On a les ZAD. La lutte Notre-Dame-des-Landes, Sivens, c'est des gens qui s'auto-organisent. Il y a des anarchistes dedans, mais les trois quarts, ils s'en foutent, ils n'ont pas d'étiquette. Hein. Il y a des écolos, même modérés, mais qui vont se radicaliser et vont avoir des pratiques, même des pratiques comme les AMAP, les SEL, c'est des choses qui nous intéressent. Alors après, il y a 36 sortes d'AMAP, 36 sortes de SEL. Ça peut être des bobos qui s'en occupent, mais le principe, c'est l'échange, le troc. Comme mouvement, qu'est-ce que en Argentine, quand il y a eu la crise économique au début des années 2000, les patrons ont abandonné leurs usines. Oui, on a eu des je crois une soixantaine d'entreprises qui ont été reprises par les travailleurs et qui ont été autogérées. Donc ça, c'est des gens aussi qui se disaient pas anarchistes. Au Mexique, la commune de Oaxaca, bon, ça s'écrit Oaxaca, ça se prononce Oaxaca, on le sait depuis La conférence qu'on a eue il n'y a pas longtemps, il y a un mouvement qui s'appelle l'APO, et c'est les peuples indigènes qui s'auto-organisent aussi. Après, le Chiapas, on peut critiquer le commandant Marcos, tout ça, mais il y a quand même des choses... Sous-commandant. Voilà, sous-commandant. Il était sous-commandant. Des choses intéressantes. Galéane, je finis en Grèce, Là, je ne sais pas si le film est passé à Gardanne, c'est Yanis Yuluntas qui fait des va-et-vient entre Martigues et la Grèce et qui montre ce qui se passe là-bas. Il y a un quartier entier d'Athènes qui s'appelle Exarchia. Bon, ça c'est prononcé à la française aussi. Mais devant les carences de l'État, ben, ils ont créé des dispensaires, des tas de choses à la base, avec une présence anarchiste, mais pas seulement. Juste pour répondre un petit peu sur est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont influencés par les idées anarchistes ? Oui, moi je voudrais bien, mais c'est pas si simple que ça. Il y a un rejet d'une manière générale, pas seulement de la jeunesse, mais des organisations politiques. Ce qui fait que par rapport aux organisations politiques qu'il n'a même pas citées, mon cher ami, vous avez été trop long. Il y a très très peu de militants aujourd'hui anarchistes qui sont dans des organisations, que ce soit la Fédération anarchiste, que ce soit Alternative Libertaire, ou etc., etc. Cela dit, par des modes d'action, par des réflexions, des occupations, etc., il y a des choses très libertaires, pour le coup, peut-être pas anarchistes, mais très libertaires qui se mettent en place. Après, dans le marasme actuel, je veux dire, il n'y a pas seulement... on va rêver, mais je veux dire, la lumière ne viendra peut-être pas du courant anarchiste. Je veux dire, les temps sont difficiles pour un petit peu tout le monde. Cela dit, il y a une vivacité éditoriale qui existe, il y a toujours de la presse qui existe, il y a des choses qui circulent. Et au niveau des idées, effectivement, il y a des gens qui peuvent s'y raccrocher. De là à dire que la jeunesse... Non... Je veux dire, quand on regarde aujourd'hui la jeunesse des lycées, enfin, moi, je suis plutôt des années 1970, donc c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Aujourd'hui, on est sur des... Quand on voit ce qui se passe dans les AG, il y a des choses inconcevables, qui me paraissent moins inconcevables. En 1970, on n'a jamais toléré la prise de parole de certains. Aujourd'hui, non, tout le monde doit parler. Peut-être c'est bien, mais... Voilà. Vous avez levé... Je voulais juste répondre, pardon, excusez-moi, juste par rapport à Podemos. Podemos, pour avoir parlé avec des compagnons et des compagnes espagnoles, pour eux, c'est pas du tout un mouvement libertaire. Mmh. C'est vraiment un peu fourre-tout, Podemos. Ce qui est plutôt de base libertaire, c'est ce qu'on a appelé les... Ocupados, c'est ça ? Non, comment ça Ocupas. Non, les... La place, si, sur la place, là. Non, ceux qui sont... Le nom vient du livre qui a été écrit... Merci. Les indignés. Voilà, c'est plutôt... Voilà, merci. Donc, c'est pas trop libertaire. Qu'est-ce qu'est devenu la CNT après, à la mort de Franco? Ben, ils sont un peu écroulés. Aujourd'hui, il y a le gros syndicat révolutionnaire qui existe en Espagne, c'est la CGT, qui est très critiquée par des puristes, parce qu'elle participe à des élections, parce que, voilà. Mais en tout cas, avec les réformes des lois, ils sont un peu obligés de participer pour représenter. Ça a tout à changer. Donc la CGT est très importante et défend des idées syndicalistes révolutionnaires et ne touche pas que les jeunes. Parce que moi, c'est vrai que c'est bien que les jeunes s'intéressent, mais ce serait bien que, on va dire, s'il faut catégoriser les gens, les vieux aussi s'intéressent, les moins vieux. Parce que le problème du mouvement anarchiste, il touche les jeunes, ça intéresse quand on est jeune, on s'intéresse à tous ces trucs-là, parce que ça casse le lien avec le père, avec la mère, donc quand c'est intéressant. Mais après, ça va où? Et quand on dit qu'effectivement, certains compagnons disent que c'est bien qu'aujourd'hui, les organisations sont moins fréquentées, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'organisent sur des bases libertaires, moi, je trouve ça que c'est un problème, parce que qu'est-ce qu'on propose après? Une fois qu'on a agi, comment on peut diffuser? Alors, quand je parle, moi, je suis, par exemple, à la Fédération anarchiste, c'est vrai qu'elle se fait critiquer, et on fait bien de critiquer la Fédération anarchiste sur plein de choses, mais c'est comme si c'était devenu le mal de s'organiser. C'est très situationniste au final. Je pense que les situationnistes, pour ça, ont fait beaucoup de mal dans cette idée-là de dénoncer toute forme d'organisation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on va se satisfaire d'être allé dans la rue. On va aller critiquer les syndicats. Alors que je ne suis pas du tout syndicaliste, mais je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, je ne vois pas ce qui pourrait remplacer un syndicat. Donc la plupart des non-syndicalistes, des anti-syndicats vont critiquer le syndicat, mais vont attendre que ce soit le syndicat qui appelle à la grève. Qui va appeler un mouvement, vont critiquer le syndicat quand il ne fait pas les liens qu'il faut, et au final ne veulent pas se syndiquer, alors que le syndicat, il ne peut pas vivre s'il n'y a pas des gens dedans. Moi, j'ai un souci sur cette non-pensée. Ce n'est pas une critique de quelqu'un qui est en haut et qui regarde en bas, ce n'est pas ça que je veux dire, mais moi, ça me pose problème dans le monde du travail, chez les jeunes. Et puis aujourd'hui, qui va parler du mouvement anarchiste? À l'époque, il y avait un Sébastien Faure. On ne s'imagine pas aujourd'hui ce que c'était Sébastien Faure. Il allait à Marseille... Les policiers disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de monde quand il y avait 500 personnes. Dans ces conférences, c'est peu pour eux. Et ce n'était pas des anarchistes qui allaient. Hein. C'était des gens qui allaient voir Sébastien Faure, parce qu'il était connu. Comme Sinon, c'était... Oui. Pardon. Comme orateur. Comme orateur. Aujourd'hui, c'est qui on a qui représente l'anarchisme ? Pardon, si vous l'aimez bien, c'est Michel Onfray. Mais si on s'intéresse à Michel Onfray, alors, je vais parler que de son côté anarchiste. Puisqu'il se dit anarchiste, c'est... j'ai dit que je ne donnais pas d'étiquette, merde. Oh. Ah, ça y est, c'est pas un anarchiste, vraiment. Il défend des choses qui sont aberrantes pour l'idéal anarchiste. Après, c'est formidable, c'est court. Qui donne sur France Culture ou quoi. Je ne dis pas le contraire, il est intéressant sur d'autres aspects. Mais c'est lui qui est aujourd'hui présenté. Ce n'est même pas lui, en fait, il se fait avoir par les médias. Il le présente comme étant l'icône de l'anarchisme, souvent, ou du mouvement libertaire. C'est malheureux, mais voilà. On s'intéresse à lui alors qu'il y a d'autres. Voilà, je me tais. Pardon. Vas-y. En fait, l'un dans l'autre, vous avez répondu un petit peu à ma question, parce que je me demandais comment, dans une société individualiste, maintenant, on pensait à l'anarchisme. Collectif. Justement. Et. Bon, du coup, vous avez un petit peu répondu à ma question, mais ça m'a fait penser au mouvement d'Anticop 21 en novembre. Il y a eu de gros mouvements à Paris de l'Anticop qui... et en fait, là, ils continuent en ce moment, justement. Ils ont décidé de... Ils prennent un autre chemin et je me demandais si ça prenait une forme, plus ou moins, une forme de commune anarchique, je sais pas... Ou si est-ce que quels sont en fait principalement les courants de pensée actuels. Est-ce qu'il y a une théorie, on va dire du 21e siècle, parce que là du coup c'est vrai qu'on entend même en lisant les bouquins etc. En fait c'est très enrichissant, mais concrètement enfin ce que là actuellement. Alors, moi, je répondrai juste sur. Effectivement, on peut. C'est pas l'anarchie, c'est pas quelque chose du passé. Je veux dire, ça a été montré, pas prouvé. Ça a été montré. Il y a des exemples qui ont été donnés. Cela dit, il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui réfléchissent à renouveler la pensée anarchiste et tout en n'hésitant pas à la critiquer. Par exemple, dans cette revue qui s'appelle Réfraction, qui a un petit tirage, on tire à 600 exemplaires, qui paraît depuis maintenant 18 ans à raison de 2 exemplaires par mois. Par an, pardon. Et sur diverses thématiques, il y a une volonté, ça s'appelle expression, recherche et expression anarchiste, il y a une volonté de renouveler la pensée anarchiste et de faire de quoi sera fait ou de quoi sera fait l'anarchiste de demain. Alors, c'est la première chose, donc il y a aussi d'autres espaces de réflexion, des choses se disent, il n'y a pas que Réfraction. Cela dit, vous parlez un moment de le caractère individualiste de la société d'aujourd'hui, puis le côté collectif. Effectivement, on est dans une société où je comprends très bien qu'on ait du mal à s'imaginer, mais comment demain on va faire pour vivre ensemble sur un projet libertaire ? Ça peut paraître très utopique, effectivement. Enfin, justement, je trouve qu'il y a des ponts énormes en fait à faire, sachant que je suis plus dans l'anthropologie et du coup on voit un petit peu la société comme finalement une société super individualiste et individualisée et en fait en fin de compte même si on est dans le collectif, je pense qu'il y a quand même énormément de ponts à faire et que le chemin est complètement ouvert et la voie est complètement ouverte et c'est pas une je vois pas ça comme une difficulté. C'est une difficulté parce que, je veux dire, on a un mode de vie, tout en étant anarchiste, on a un mode de vie qui fait qu'on a des pratiques individuelles, individualistes, voire égoïstes, etc. Et donc, c'est vrai que quand on discute des gens de ce que pourrait être une... Bon, là, on n'en a pas parlé d'un projet libertaire, de ce que l'on peut vraiment... Parce qu'on n'a pas évoqué cette question-là. On l'a un peu effleuré, mais ce que pourrait être la société de demain... libertaire, bon, c'est vrai que c'est pas. On se heurte à de l'incompréhension, à la difficulté à faire passer des idées, parce qu'aujourd'hui, être anarchiste, c'est pas très confortable. On n'est pas. Malheureux, on ne se regarde pas comme ça le matin dans la glace. Cela dit, on n'est pas. Vous avez compris que les anarchistes ne se situent pas sur l'échiquier politique, donc non pas qu'on ne s'intéresse pas à la vie politique, mais cela dit, tout ce qui se passe aujourd'hui sur le on est en dehors, on n'est pas. En dehors dans le sens individuel de la chose, mais on ne se situe pas sur ce terrain-là. C'est vrai que on défend des idées qui sont difficiles. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont complexes, ou qu'on a rendu complexes, ou que les experts font en sorte de rendre complexes, et dans lesquelles on se dit, mais comment demain on va pouvoir vivre ensemble? C'est vrai que quand on regarde la vie autour de soi, des fois on se dit, je ne sais pas si je serai en société libertaire avec mon voisin, parce que, etc., etc., etc. Je veux dire, c'est difficile. C'est pas quelque chose de confortable, l'anarchisme. Anarchiste depuis longtemps, hein, c'est pas d'hier, mais c'est un beau combat, mais qui est difficile. Et dans le contexte que vous soulevez, effectivement, de marasme à tous les étages, nous, on a essayé, on a une petite voix qui porte comme elle peut porter. Tout à l'heure, Thierry faisait allusion au mouvement syndicaliste en France, la CNT, qui avant parlait d'une seule voix. Enfin, ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, c'est un mouvement qui est quand même relativement éclaté. Il y en a trois. Vous vous rendez compte, le nombre de militants, vous pouvez imaginer le nombre de militants anarcho-syndicalistes, ils se répartissent déjà dans trois chapelles, ouais, trois courants. Enfin, on en retrouve à Sud aussi. On en retrouve à Sud, voilà, etc. etc. Faut pas oublier. Voilà. Donc moi je dirais aussi, c'est une question super difficile ce que tu poses, parce que c'est comme si... C'est pas ce que tu dis, mais on l'entend souvent, en gros, qu'est-ce que vous proposez? Et je réponds facilement. Hein. Et nous, on propose rien. C'est les individus. Alors, c'est pour ça que moi, je me sens proche des individualistes quand ils disent que c'est l'émancipation collective, elle viendra quand il y aura une émancipation individuelle. C'est, si demain, il y a la révolution, je suis pas sûr que je voudrais la vivre, moi, personnellement. Vu ce que je vois aujourd'hui. Et le travail, il est personnel. Alors, ça veut pas dire tout seul dans son coin, parce que moi, je n'étais pas d'accord avec comme ils présentaient un peu l'individualiste à l'heure Bernard. Il y a des, encore, même dans l'individualisme, il y a différentes façons de voir les choses. L'individualisme, il est aussi social, en fait. Et en fait, cette idée-là, c'est travailler... Bon, peu importe l'individualisme. C'est travailler sur soi, mais jusqu'à quand? Alors, ça ne veut pas dire travailler sur soi tout seul dans son coin et ne pas s'intéresser à la société. Il faut faire les deux à la fois. Et, mais savoir où on va, ben... Moi, je sais pas, je verrai bien, et c'est un travail de tous les jours. Et après, c'est soit les syndicats, si on a envie, soit des collectifs qui se montent à droite, à gauche. Mais ce qu'il faut faire à chaque fois, ce que j'essaye de faire à chaque fois quand je suis dans un collectif ou un syndicat, c'est apporter le côté politique dans le sens noble. C'est trop souvent dans les syndicats où on se retrouve, c'est une lutte réformiste. Il faut. C'est la condition de travail d'aujourd'hui. Mais on porte plus, ou beaucoup moins, ou parce qu'on a peur d'éloigner des gens. Le discours syndical. Je suis à la CNT Solidarité Ouvrière, la troisième scission. Et on est sur Marseille. Quand on a quitté la ce soir, peut-être qu'il y en a quatre. Peut-être ce soir, il y en a quatre. J'ai fait partie d'une scission de la CNT Vignoble. On s'en fout. Et quand on a décidé d'avoir de salarier des personnes dans le syndicat qui s'occupent uniquement de la tâche technique. C'est-à-dire, on refuse qu'elles aient des positions dites politiques. Enfin, je veux dire, qui tiennent le syndicat. Voilà. On ne veut pas être comme la CGT, on ne veut pas être comme Sud, on ne veut pas être... Voilà, pourtant on travaille avec eux, mais sur le fonctionnement, on n'est pas comme eux. Ces gens-là, depuis que cette personne est là, c'est quelqu'un qui a fait des études en juridique, elle peut porter des dossiers, par exemple, au prud'homme. Et on s'est intéressé à un domaine qui est complètement lâché, c'est le domaine des... ce qu'on appelle les femmes de ménage, par exemple. Mmh. Et en même pas un an, on a syndiqué une trentaine de personnes, essentiellement de femmes, de toute origine sociale, non sociale, pas toute origine, nationale. Mais de toute origine nationale, ouais, ah ouais. Je sais pas comment on peut dire, géographique. Ouais, ouais. D'origine. Et c'est là où tout le travail est en jeu. C'est-à-dire, on se pose la question, nous, les anciens militants, où on était presque plus qu'un groupe, tellement on était peu nombreux, plus qu'un groupe politique, presque plus un syndicat, à se dire, on va défendre ces dames qui sont super exploitées, qui ont lâché des syndicats, je citerai pas ici. En les dénonçant, parce que les syndicats dans cette branche-là sont très accoquinés avec le patronat, et sont même en lutte contre d'autres sections syndicales de leur même syndicat qui préfèrent travailler avec la CNT que l'autre syndicat. Et donc, ces personnes-là, la question, c'est les défendre maintenant. Elles ne maîtrisent pas tout le français. Lire la fiche de paix, lire le contrat de travail, et puis après leur parler de ce que c'est que le syndicalisme révolutionnaire. Et là, eh ben, c'est très intéressant, parce qu'elles sont ces personnes sont, j'avais pas d'a priori, mais je m'étais dit, ça va être dur. Il y a une réception, elles sont réceptives, elles veulent prendre place, elles ont compris qu'on était en autogestion, elles veulent prendre place du secrétaire du syndicat, qui n'a que secrétaire que de nom, hein. Et elles veulent gérer leur syndicat, elles veulent y aller, pas toutes, hein, attention, hein. Voilà, on voulait pas devenir un syndicat de service. Voilà, c'était ça qu'on avait peur. Et bah, ça passe par des formations, par expliquer, on s'est dit, on va pas avoir peur, on va expliquer l'histoire de l'anarchie, du syndicalisme révolutionnaire, qui passe par l'anarchisme, et ce que nous, on voudrait comme société. Alors, on ne sort pas le mot, parce qu'on a peur que ça fasse peur, communisme libertaire, c'est dans les bases de la CNT. Mais on avance. Et David Graeber, pour passer sur un autre truc, mais dans cette idée-là, David Graeber, qui est... C'est un anthropologue. Voilà, alors américain, qui, alors c'est très surprenant, hein, tous les médias français l'interrogent depuis quelques mois, qui a été à Occupy Wall Street. Je maîtrise l'anglais normalement. À Occupy, qui se dit clairement anarchiste, qui a été viré de sa fac aux États-Unis, qui est maintenant en Angleterre, pour ses idées et pour son engagement, et qui a écrit un livre sur la bureaucratie en démontrant que la bureaucratie, c'est pas l'État, mais c'est le capitalisme. Depuis qu'on est dans un système libéral, on remplit de plus en plus de feuilles pour cocher à droite. Bon, il le démontre. Et ce qu'ils aiment bien, les journalistes français, c'est qu'il est hyper argumenté, ce gars-là. C'est ce qu'expliquait une dame sur France Culture un soir. Elle le disait clairement comme ça. Vos livres, c'est très argumenté. On ne peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, ça va être dur. Et il a écrit un truc aussi sur la dette, expliquer l'histoire de la dette depuis l'histoire de l'humanité, ou presque. Et ce gars-là, il a un discours... Moi, je ne sais pas. Pour lui, le capitalisme est déjà tombé. Pour lui, le capitalisme, contrairement à ce que disait Marx, c'est ses propos, hein, a commencé peut-être pour lui au Moyen-Âge. Les premières formes de capitalisme ont commencé au Moyen-Âge. Ne me demandez pas plus, hein, je ne peux pas vous argumenter. Hein. J'ai écouté à la radio. Et donc, le capitalisme, il est arrivé à un moment donné, les gens ont pu dire « je suis dans le capitalisme » quand il était vraiment inscrit dans la société. Et lui, il pense qu'aujourd'hui, on est en train d'inscrire dans la société une autre forme d'organisation économique. À travers tout ce qui est en train de se passer, les indignados, les Occupy, le Chiapas, les Kurdes, les ZAD, tout ce qui est en Tunisie. Et ils pensent qu'on est en train d'effacer le capitalisme et de mettre quelque chose de nouveau, ce qui serait, bon, moi j'ai pas de nom, je sais pas s'il a un nom pour ça d'ailleurs, et qui se verrait peut-être dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 20 000 ans, comme il disait Léo Ferré. Je sais pas combien de milliers d'années, il me fait peur à chaque fois. 10 000 ans. Voilà, bon, mais il n'y a pas de réponse. Tout ça pour dire ça. J'aimerais vous faire un peu de publicité pour cette personne là-bas. S'il y a quelqu'un qui a des pistes, ça se situe aussi du côté des États-Unis. C'est d'une part Noam Chomsky, ah oui. Qui est donc un linguiste, mais également un anarchiste. Et être anarchiste aux États-Unis, c'est bien plus difficile qu'être anarchiste en France, notamment sur le plan de la religion. Et le second, c'est un élève de Chomsky. Il est canadien, lui, québécois. Ah oui, pardon. Il enseigne à la Laurentis de Québec. C'est Norman Baillargeon. C'est le livre qu'il faut lire aujourd'hui. Enfin, pardon. Le livre qui serait très intéressant de lire, c'est L'ordre moins le pouvoir de Norman Baillargeon, édité aux éditions Agone, édition marseillaise. Qui résume un peu ce que c'est que l'anarchisme à travers ces différents courants. Mais il va vite, hein, c'est un petit truc comme ça. Mais c'est vrai, à une époque, on conseillait Daniel Guérin, l'anarchisme, qui est... Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui est sorti dans les années 70 60 60 même. Hein. 60, ouais. 60. Il est réédité encore aujourd'hui. Toujours réédité. Il est encore aujourd'hui régulièrement. Et de même que Daniel Guérin, ce qu'il avait fait sur l'anthologie de l'anarchisme, qui vient d'être réédité à la découverte encore. Je ne sais pas, c'est cité de tout ça dans ces... Là, on a fait une petite bibliographie. Une petite bibliographie, il y a des choses. Normand Baillargeon, B-A-I, 2-L-A-R-G-E-O-N. Il écrit aussi, lui, il est spécialiste dans l'éducation. Ça date de 2008 et ça en est à la 4e édition. Il est super intéressant. Le livre, c'est quoi ? L'ordre moins le pouvoir. Chez Agone. Parce qu'on n'a pas dit une seule fois, oui, mais... je sais ce que tu as dit. Ouais. L'anarchisme est la plus haute expression de l'ordre, d'après Élisée Reclus. Ouais. Cette idée-là, voilà. L'ordre moins le pouvoir. Pouvoir être ordonné sans avoir... Enfin, bon, j'ai pas... Vous avez compris. Et ouais, ce qui veut dire qu'une société libertaire demain, elle sera forcément organisée. Elle sera réglée, régulée, mais pas par une instance supérieure. Ouais. Entre nous. Mais inévitablement, il y aura des questions qui se poseront. Ni Dieu, ni maître, ni mari. Voilà. Est-ce qu'on termine sur ce joli slogan ? Je vais l'adopter, celle-là. On n'est pas responsable. En tout cas, écoutez, merci de votre, ouais, merci de votre présence. Alors, n'hésitez pas à venir chez la médiathèque, on a pas mal de bouquets. Oui, il y a un joli fond, oui, tout à fait. Il y a un joli fond et il y a une jolie petite expo. Parce qu'ils nous ont prêté beaucoup de... Donc, gratuitement, donc n'hésitez pas à venir voir. Le film. Vous avez un vieux journal de 1880. Et puis pour les amateurs de bande dessinée, donc essayez de lire L'Essai. Et l'auteur sera à Marseille le 2 avril. Comment il s'appelle Nicolas Debon. Nicolas Debon. Plus personne n'écoute. Est-ce que je peux vous prendre un petit peu? Oui, bien sûr. Ouais, tu peux aller. Bonsoir, dites-moi, à titre indicatif, concernant votre recours à l'étymologie grecque et les pitons. Alors, vous pouvez regarder dans le Champrain, c'est le dictionnaire d'étymologie grecque. Parce que archia, c'est l'absence d'autorité. Et on distingue archia en grec de crassia. C'est pour ça qu'on dit monarchia et on dit démocratia. Faites attention parce que vous pourriez vous faire reprendre publiquement. Ce serait quand même gênant. Donc, très bien. Et en même temps, vous le trouvez dans. Vivre en anarchiste aujourd'hui, ouais, c'est vraiment. Sophocle, il y a Créon qui dit la pire des espèces, c'est anarchia, tout ce que la société cacionne, nous apprend trop. D'accord, il n'y a pas pire chose que l'anarchie. Il faut bien voir que c'est l'aveuglement démocratique. Là, il n'y a personne qui vous a titillé sur la relation. Il n'y a personne qui vous a titillé sur la relation avec la démocratie. Mais c'est le fait que c'est l'aveuglement démocratique qui provoque l'absence l'absence d'ordre. Et ce qui fait qu'on retrouve le texte, le titre du bonhomme, c'est l'ordre et la crassie, c'est pas nécessairement la même chose. Mais il faut. C'est des trucs qui sont pas courants dans l'opinion. Ça va? Oui, oui, non, mais il n'y a pas de. C'est on avait pris. Et vous avez anticipé. Oui, on avait pris bien soin au départ de dire que nous n'étions pas des étrangers. Oui, non, c'est pour ça que j'ai. Mais vous avez raison, il n'y a aucun souci. D'accord, mais allez voir dans le Chantraine, vous avez tout. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Tu sais comment ça s'arrête, ça? Pas du tout. Et à moi, ouais. T'inquiète, je pense. Je vais laisser marcher. Philippe, tu sais comment ça s'arrête, ça? Je peux pas arrêter le son. c'est pas très grave. Pour une note, après, c'est. Ouais, mais... Non, parce que si je le coupe directement. Marivonne, comment il éteint ton appareil? C'est un fait. J'ai pas trouvé. Ouais, parce que j'avais verrouillé les. Ah.